écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Mes sœurs, en fait, j'ai posé la question au début, donc j'ai demandé à vous, mes frères, de m'éclairer sur la définition. Je voulais savoir précisément, je répète même pour les frères qui n'étaient pas là, notamment le frère Achille, le frère Yannick. J'ai demandé de m'éclairer, je voulais savoir qu'est-ce que c'est la parole de connaissance. C'était ça ma question. Ensuite, les frères m'ont apporté des précisions, le frère Benjenit et d'autres frères. Donc, je suis allée plus loin en demandant, mais quelle est donc la différence entre la parole de sagesse, la parole de connaissance et même la prophétie? Parce que dans ma tête, je faisais une petite confusion. Donc, c'est de là que part, en fait, bon. Je pense que le frère Martin voulait apporter sa contribution, sauf que là, effectivement, on est allé très, très, très, très loin. Je ne me retrouve plus exactement. Ok. Moi, désolé, je vais prendre la parole. Mon but n'était pas de toucher vraiment tous les points qu'on a parlé. Ce n'était pas le but. Je voulais, c'est vrai qu'il y a eu des réactions par rapport à ce que j'ai dit, mais je trouvais nécessaire de dire ce que je devais dire avant de pouvoir expliquer. Donc, pour continuer, j'ai voulu qu'on lise les passages qu'on a lus tout à l'heure. Je voulais qu'on comprenne que, premièrement, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, ce sont des dons. Il y a j'ai fait aussi cette remarque juste parce qu'il y a un frère qui a parlé tout à l'heure en disant que, bon, quand tu peux être dans ta chambre, tu pries, et pendant que tu es en train de prier, bon, l'Esprit de Dieu peut te parler. C'est vrai, ça peut arriver. Mais il y a une différence entre celui qui opère par le don et, bon, celui qui, je ne sais pas, manifeste naturel. Je voulais juste mettre une mention sur le fait que Dieu donne. La sagesse, c'est un don. Il y a le don de sagesse. Il y a la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Mais il y a le don de sagesse et le don de connaissance. Bon. C'est sur ce point que je voulais expliquer, c'est réellement sur ces deux points que je voulais parler. Premièrement, parlant de la parole de connaissance, on va voir que, et je bénis Dieu, parce que le frère Benjamin a parlé tout à l'heure, et il a commencé à expliquer un certain nombre de choses dans ce sens, effectivement en faisant comprendre que la connaissance, c'est quelque chose qui t'est donné à l'instant. Dieu te donne de connaître quelque chose qui est caché, quelque chose peut-être qui n'est pas que tout le monde n'est pas au courant. Ça peut être quelque chose de présent, ça peut être quelque chose du passé. Donc, Dieu te donne la connaissance de la chose. Mais il y a un cas que je voulais juste énumérer des cas, deux cas, chaque cas. Il y a le cas de Daniel avec la prophétie du roi Nebuchadnezzar, le rêve du roi Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar qui appelle tous les mages du temple et leur demande de venir pour lui dire le songe dont ils n'ont pas la connaissance et lui donner l'explication. Premièrement, ils n'ont pas la connaissance du songe. Donc ça veut dire que Nebuchadnezzar, lui, il a fait un songe, je ne sais pas s'il a oublié ou s'il faisait exprès, mais il a dit qu'on doit le dire, le songe qu'il a eu. Personne n'avait la connaissance du songe à ce moment, personne. Personne ne pouvait réellement dire. Et chaque personne était dans la lamentation. Mais comment on va parler de quelque chose dont nous n'avons même pas connaissance? Et puis, on va s'apercevoir bien après que Daniel, après que Nebuchadnezzar a fait le décret, disant que si, après un certain délai, ce qu'il a reçu n'est pas révélé, ne lui est pas dit avec l'explication, lui, il va faire un décret, il va tuer tous les mages. Il va tuer tous les mages. Et Daniel va devant Dieu. Et il commence à prier au Seigneur. Et il commence à demander au Seigneur de lui donner la connaissance du songe que le roi Nebuchadnezzar a eu, ce que le Seigneur fit. Daniel n'était pas au courant de ça. Dieu lui a donné la connaissance. Il lui a donné je ne sais pas si c'était dans un songe ou dans un endroit, mais Dieu lui a donné de connaître le songe et l'explication. Et quand il vient, je ne sais pas si Nebuchadnezzar, comme je le dis encore, avec la connaissance du songe ou pas, mais quand Daniel vient, il donne C'est ça, exactement ça. Donc la connaissance a à voir avec des choses que je peux ne pas être au courant. Je peux ne pas connaître, je peux ne pas comprendre. Et le Seigneur me donne de connaître. Et ça, c'est des choses qui concernent la parole de Dieu. Et ça, ce sont des choses qui concernent quelqu'un, qui concernent, je ne sais pas, la vie de quelqu'un, son passé, son présent. Ça peut être dans le cadre, son futur, effectivement. La connaissance agit dans ce sens. Maintenant, la différence est que on confond souvent ceux qui expliquent la parole de Dieu. Vous avez dit que le docteur de la parole, celui qui explique la parole, avec quelqu'un qui opère par le don de connaissance, il y a une différence. Il y a une différence notoire. L'homme de Dieu qui est docteur et qui enseigne, opère aussi. Je crois que c'est même un des dons que Dieu met facilement à sa disposition pour connaître les choses cachées et expliquer. Mais quelqu'un qui opère avec la connaissance n'est pas forcément un docteur. Quelqu'un qui a le don de connaissance n'est pas forcément un docteur. Donc, ce n'est pas forcément l'explication d'aborder la parole. C'est dit des choses que Dieu veut qu'il amène à lumière. Donc, concernant la sagesse, et je bénis Dieu encore pour l'intervention du frère Benjamin, parce qu'il a expliqué, il a pris l'exemple avec Salomon, parce que c'est l'exemple palpable même que réellement, ça c'est un don que Dieu a donné. Amener des éclaircies sur un certain nombre de choses. Bon, je ne veux pas trop entrer dessus parce que son explication est vraiment très correcte et c'est très fort. Maintenant, la sœur aussi a parlé du don de prophétie. Et on confond souvent le don de prophétie avec le don de connaissance, ce qui fait que ça devient un peu ambigu. Le don de connaissance et le don de prophétie, parce que effectivement, c'est un peu comme si ça opère de la même manière. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 19:10 que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Si quelqu'un opère par le don de prophétie, par l'esprit. Ou par l'esprit de prophétie, cette personne a. Alors, je n'écoute pas. Pardon les micros, s'il vous plaît. Pardon les micros. Allô? On te suit, frère Martin. D'accord. Je disais tantôt que. Frère Martin. Si tu ne peux pas t'éloigner trop du sujet, pour permettre à d'autres personnes d'intervenir également. Parce qu'en t'éloignant du sujet, justement. Excuse-moi, frère Pierre. Je voudrais, si vous le permettez, proposer à la lumière des Écritures Proverbe 8. Et on va juger ensemble si ça répond à la question de la sœur. Je propose Proverbe chapitre 8. Quel verset, frère? On peut lire même jusqu'au 21. Bon. Balance la sauce. Vas-y. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. C'est ma voix, et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses a dit, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. toutes sont claires pour celui qui est intelligent, étroites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que des belles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est en moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Pour moi, gouvernent les chefs et les grands, tous les jours de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Amen. Je m'arrête là. Amen, amen, amen, frère. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ici, là, on parle déjà de sagesse. En fait, ça c'est sagesse, intelligence. Ça, c'est en fait la personne du Seigneur Jésus, quoi. La sagesse comme étant la personne même du Seigneur. Le Seigneur Jésus, et bien sûr, toutes ces manifestations par tous ces différents messages d'appel à la repentance, d'appel à chercher la droiture et des manifestations, car en fait l'Esprit de Dieu, de chercher la justice, la droiture et en profiter déjà de la vie. Top, Anne, ton micro, s'il te plaît. Top, Anne. Oui, j'ai des problèmes là, je suis là, je lutte avec ça depuis là. On n'arrive pas à écouter les frères. Oui, j'ai fait mon micro là. Je n'arrive pas, je peux donner le temps de téléphone. Je n'arrive pas. Sur ton téléphone, il y a un endroit qui a. En cliquant sur ton téléphone, tu vas voir la touche de raccrochage qui est rouge à côté de la caméra, puis le troisième élément en allant vers la gauche, c'est un micro avant le volume. Voilà, je pense que tu as éteint. Merci. Donc, ici, on parle bien de la sagesse, comme je disais tantôt, de l'intelligence et autres. En fait, ça, c'est la personne du Seigneur Jésus même qu'on est en train de décrire ici comme sagesse même. Dans un sens plus grand, on va dire. Et donc, cette sagesse, cette parole de connaissance, tout ça font juste partie des attributs du Seigneur Jésus qui disperse dans l'Église et il donne à chacun selon son bon vouloir, tel que nous a lu le frère Martin aujourd'hui. Quoi. Et donc, comme il a dit, le songe est en fait différent, mais un songe peut être une prophétie. La prophétie est également à part. Et une vision peut être également une prophétie. Et comme on a dit, la parole de connaissance, c'est en fait ce qui est donné à l'instant. Et là, la parole de sagesse et autres, comme voilà cette connaissance là qu'on a, cette habilité là qu'on a de comprendre, de trouver la pensée de Dieu par rapport à telle situation, de passer les mots qu'il faut à l'instant qu'il faut, quand il faut, de savoir quelle est la juste décision pour telle ou telle chose. Donc, tirez juste quoi. Tirez juste un Amen. Mot par rapport à ce qu'on a dit. Merci mon frère Benjenid. Est-ce que ma soeur, ces paroles du prophète Salomon, qui avait reçu le don de sagesse, est-ce que ces paroles répondent à ta question? En fait, l'explication du frère Benjenid a répondu à ma question. L'explication de tous mes frères, en fait. Hein. J'ai recollé un peu tous les morceaux et ça m'a permis de voir un peu plus clair. Benjenid, le frère Pierre, le frère, m'a permis de... Moi, j'avance un peu vers la réponse. Amen. Amen. Oui, juste pour résumer, et puis on passe à une autre question ou bien à un autre sujet. Il y a eu trois versets qu'on a donnés qui correspondent à la réponse. Il y a Joël chapitre 2 verset 12, il y a 1 Corinthiens verset 12, Éphésiens 4 verset 7. Donc c'est quoi après maintenant? Il y a ce qui s'est passé avec le frère Martin, c'est qu'il y a un problème de compréhension, et le frère Joseph au niveau de la soumission au Saint-Esprit. Et nous, en tant que chrétiens, on est soumis au Saint-Esprit. Il peut arriver qu'on ne soit pas conscient que le Saint-Esprit est en train de nous parler et qu'on fait des choses inconsciemment. Mais quand on est vraiment soumis et qu'on est dans la prière, on est dans la prière, la méditation de la parole, on sera conscient. Donc, c'est dans ces versets-là que il y a la réponse à ta question. Et c'est ce que le frère Benjenid a dit. Donc, le frère Martin a tout simplement... Il est parti très loin, en fait. Il est parti très loin, et du coup, il y a eu beaucoup de... La sœur Yolande Bibiche, bonjour. Oui, en attendant que le frère nous rejoint, en fait, il y a un entretien que le frère a posté, la dernière vidéo qu'il a postée là, où il a eu un entretien avec, je ne sais pas si vous avez écouté ça, avec un musulman de Yagoua. Vous avez écouté l'enseignement, l'entretien? Oui, j'ai écouté ça hier soir. Oui. Voilà, moi j'ai écouté, le jour que ce musulman a appelé, j'étais présent. Et j'étais vraiment, vraiment touché par la soif de ce musulman à connaître la vérité, la parole de Dieu, quoi, en fait. Et vraiment, j'étais très, très, très, très touché. Et c'est que, et quand j'ai réécouté l'entretien, c'est venu dans mon cœur comme ça. Que pourquoi nous ne pouvons pas... Je vais poster la vidéo tout à l'heure sur le truc. Ou bien si quelqu'un peut poster la vidéo. Donc, c'est venu dans mon cœur que si on pouvait contribuer à ce que le frère, à ce que la personne quitte de Yagoua pour venir... Et faire cet échange avec le frère. Donc, ça sera vraiment une très bonne chose pour nous, quoi, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur comme ça. C'est vraiment monté à cœur parce que le frère a proposé à cette personne qu'il est prêt à payer son transport, il est prêt à le recevoir. C'est-à-dire qu'à le recevoir le temps qu'il qu'il enseigne, quoi, en fait. Donc, c'est une proposition, mais c'est monté vraiment dans mon cœur. Et si, si on est d'accord, on pourra contribuer à ce que ça se passe, quoi, en fait. Amen. Amen. Amen, Père. Bien sûr. Amen, amen. Excuse-moi, frère Pierre, je n'ai pas compris. Non, je vais envoyer la vidéo, je vais poster la vidéo tout à l'heure. En fait, c'est un entretien que le frère a eu avec un musulman côté de Yap. Et ce musulman avait, il a tellement soif d'être la vérité. Alors, le frère a dit vécure le voit. Grévy. C'est bon? Vous m'entendez? Frère, c'est mieux d'écrire, mettre les explications en écrit. Ce sera mieux après la vidéo, peut-être. La sœur Yolande Bibiche, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. La sœur Sandrine, la femme de Oswald, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour, Frère Julien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc les interrogations, tes interrogations, je parle de la sœur Sandrine là, je vais causer avec toi après notre entretien avec la France de la sainteté, d'accord, je vais causer avec toi spécialement. D'accord. Parce qu'il y a des interrogations dans ton cœur qu'il faut qu'on évacue. Je ne sais pas si tu en as parlé avec ton mari. Je suis là. Il dit, je ne sais pas si elle en a parlé avec toi, des interrogations dont je suis en train de parler. Je parle souvent de mes interrogations. Ok, on va en parler. On va en parler tout juste après. Oui, c'est vrai que votre connexion n'est pas bonne. Ou bien c'est la mienne qui n'est pas bonne. La sœur Rizienne, bonjour. Oui, on va y revenir. On va en revenir. La sœur Rizienne, bonjour. Bonjour, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, lorsque tu parles, apparemment, tu es avec le kit de ton le kit oreille. C'est quand tu bouges, ça bouge et c'est désagréable. Pour ceux qui ont les écouteurs à l'oreille, quand vous bougez, ça frotte sur le vêtement, là, ça crée des situations. La sœur Paul Gertrude également, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon bien-aimé frère. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour tout le monde. Vous voyez que je sens de saluer premièrement les femmes parce que honneur aux dames. Il faut qu'on les respecte. Vous allez permettre. Les hommes là, vous allez souffrir que je salue d'abord les dames. Vous voyez, ce sont elles qui nous ont nourris quand nous étions enfants. Elles nous portent pendant 9 mois. Et par la suite, nous verrons les gueuler. La sœur Natou Chantal, bonjour. C'est ouvert chez quelqu'un qui a l'enfant. La sœur Natou Chantal, bonjour. Elle n'est pas connectée. La sœur Nafissa. Oui, bonjour. Voilà, toujours avec un retard. Bonjour, ma sœur. Aujourd'hui, quoi que tu as la vidéo, ta vidéo est ouverte. La sœur Nafissa, tout lâché, bonjour. Bon. La sœur Reine, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, tout le monde. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La sœur Kelly Nyahore, bonjour. Ouais, la sœur Nafissa, bonjour, avec un retard du côté de Bordeaux. La sœur Kelly, bonjour. Bonjour, frère Junior, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Du côté de Bougainville, Aviry, Châtillon, la sœur Julie Gabo, bonjour. Bonjour, frère, bonjour. Que le Seigneur te bénisse, madame Sarah. La sœur Laetitia, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Merci pour ta question. Tu as une excellente question. Je vous ai suivi pendant presque 2 heures et j'ai suivi les uns et les autres. Et quoi que, on va continuer dans ce domaine-là jusqu'à éclaircir certains points tout à l'heure. Donc, permettez-moi d'abord de faire quoi, les civilités qu'on nous a enseignées. La sœur Claire, Temkin, bonjour. Bonjour, frère. Que le Seigneur te bénisse, toi également. La sœur Catherine, bonjour. Je crois que dans la première partie, on lui montrait comment ouvrir le micro. C'est sûr qu'elle a déjà dit bonjour, fatiguée là-bas dans sa maison seule. La sœur Elsa Nana, bonjour. Je vois Elsa Nana là. Bon. C'est ouvert chez le frère Pierre, je crois bien. La sœur Carole, avec 2 heures. Bonjour, bonjour, j'attends que vous bonjour. Ça, c'est la sœur Elsa qui a parlé là, quoi. Je crois bien. Oui. Ouais, il y a de la maternelle chez toi, de dingue fermée, ma soeur, on comprend ta situation. Que Dieu te bénisse. La sœur Carole Châtelon, bonjour. Bonjour, frère. Voilà. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Flora Landreau, est-ce qu'elle est là? Du côté de leadership, la sœur Linda, bonjour. Est-ce qu'elle est connectée? La sœur Anne Goba, bonjour. Voilà. Si vous le voulez bien, je l'annonce maintenant de façon solennelle. Il y aura un autre forum, les femmes dans la sainteté. Ce sera exclusivement réservé aux femmes. Exclusivement réservé aux femmes de tous les continents. Donc, si vous voulez, vous êtes une femme, vous voulez en faire partie. Et là, vous allez vous exprimer en plein et poser toutes les questions que vous voudrez. Si vous voulez vous en faire partie, vous m'envoyez un message, pendant la France, dans la sainteté, pour me dire que je vous joins là-bas, comme ça, vous y joignez tranquillement. Donc, pour toutes les femmes, c'est exclusivement aux femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Achille Genka, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, mon bien-aimé frère Junior Shalom. Ravi de te voir encore ce matin. Le frère Benjénit, bonjour. Bonjour, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Martin, bonjour et bienvenue. Je crois que le frère Martin a quelques soucis avec sa connexion là. Voilà. Le frère Martin, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, il y a des résonances. Ce qui fait que c'est comme si tu es dans une pièce réduite et quand tu parles, le son est. Il y a beaucoup de bases. Je ne sais pas si tu peux essayer de. Oui, parce que tu as des bonnes choses à développer là. C'est vrai que. Oui, et puis là, il y a le son un peu bon. Oui, frère Martin. Je suis sorti. Ok. Parce que le son de ces sons-là. Le frère Oswald, bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé, frère. Il y a des. Vous voyez, voici Natoucha. Je viens de signifier que je ne veux pas qu'on écrive ça dans la France de la sainteté. Écrivez-moi dans ma boîte Junior 3 pour que je puisse voir tous celles qui en veulent pour pouvoir les joindre. Le frère Joseph Kamagate, bonjour. De Toulouse, depuis Toulouse. Bonjour le frère Junior. Yannick, le frère, le garçon, le frère Terry Banganté de Paris, bonjour et bienvenue. Bonjour mon bien-aimé frère, bonjour. Le triplet de Pierre, Pierre Bertrand Mani, Pierre Moa et Pierre Nassourou, bonjour à vous tous les Pierre. Le frère Junior. Shalom frère Junior, shalom. Bonjour. Pierre Bertrand Mani, il est où? Je ne le vois pas sur mon écran. Pierre Bertrand Mani, c'est ta première fois de participer à ces forums? Oui, oui, oui, exactement. Je crois que le Seigneur a mis une soif terrible dans ton cœur de la sainte doctrine. Et il t'appelle à quitter radicalement une certaine voie pour suivre vraiment la parole maintenant de façon irrémédiable parce que tu es dans une voie de retransformation totale. Ok, merci. Donc, bienvenue, d'accord? Merci. Le frère Willy Landreau, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour. Comment tu vas, mon frère? On ne te voit pas. Ou bien tu cuisines Ça va très bien. Non, je suis arrivé chez moi, donc d'ici 10 minutes, je devrais trouver et pouvoir allumer la. Ok, à tout à l'heure donc. Saria Dila Ah, Olivier tout du à fait. côté de Chine, bonjour et bienvenue. Quoique il y a toujours un retard avec la Chine, vous allez voir que le câble va arriver. Le temps que le son arrive jusque-là, c'est un autre problème. Le voilà, il y a un problème de connexion avec la Chine. Alors, si vous le trouvez bon, vous avez posé des questions en parlant des partant des quoi là, de la question de notre bien-aimée sœur Laetitia. Si vous le trouvez bon, ceci pose la problématique. Je ne sais pas si le frère Martin s'est déjà reconnecté. Le frère Saria Olivier, bonjour. Je crois que tu es reconnecté là. Shalom, frère Junior, shalom tout le monde. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue également. Amen. Oui, je crois que c'est à toi en Chine. Shalom. Bon, la connexion n'est pas bonne, n'entrons pas là-dedans. Alors, pendant que je vous ai écouté pendant presque 2 heures de temps et vous abordiez. Bonjour, frère Junior. Naokaman, c'est qui? Hélène, frère, tu m'oublies toujours. Je crois que la soeur Hélène. La soeur Hélène, je l'ai saluée juste après la soeur Laetitia. N'est-ce pas la soeur Laetitia? J'ai appelé Hélène, elle n'a pas répondu. Comme elle faisait avec Jean-Michel Cancan. Et puis maintenant, je suis passé par la soeur Claire. Donc la soeur Hélène, bonjour. Lorsque vous regardez dans le forum, je crois que le frère Martin, il a encore rejoint son télé, il s'est encore reconnecté. Lorsque vous regardez tout le monde souriant comme ça, ou si vous regardez le frère Pierre-Moi, vous allez voir qu'il ne sourit pas pour les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes choses pour lesquelles il sourit pour vous. Donc chacun a sa manière de sourire. Et ils savent pourquoi ils sont des souris. N'est-ce pas le frère Pierre? C'est vrai que c'est plus la même joie. Oui. La joie Mais tu dois nous dire pourquoi tu souris, n'est-ce pas? Le frère Mathé, si tu nous entends, ferme le micro. Wow. Qui parle là? Tu sais bien que je suis timide, non? Personne t'a posé des questions, frère. Wow! On regarde seulement, on n'a pas posé de questions. Oui, personne, chacun regarde seulement, on ne pose pas de questions. Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez avec moi et vous conviendrez avec moi que les gens ne sourient pas ici pour les mêmes moments, pour les mêmes motifs. C'est clair. Et je crois qu'il y a quelqu'un là, la sœur Kelly, qui en sait quelque chose. Et je crois que le frère Martin, en voyant ces choses-ci, ça doit lui faire quelque chose au cœur pour sa préparatif. N'est-ce pas, mon frère Martin? Par la gloire de Dieu, bien nous. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer ce dimanche à travailler, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on peut commencer à travailler. On peut commencer, frère. Tout le monde entend, n'est-ce pas? Je crois que vous aviez des félicitations à donner au frère Pierre par rapport à son mariage ou le ferez avant qu'on ne commence maintenant. Vous avez vu ce qui s'est passé? Félicitations, frère Pierre. Félicitations, mon bien-aimé frère Pierre. Félicitations, frère. Très bien. Félicitations. Merci. Ça va nous. Le Seigneur t'accompagne au monde. Amen. Amen. Non, on a plus le bisou. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu? C'était un bisou dans la timidité. Merci. Vous voyez, non? On va le bisou. C'est bisou dans la sainteté, on pourrait dire ainsi. Il y a les frères Benjamin là et les frères Yannick qui sont en rire. On vous attend au tournant. Le frère m'expose. La Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pas vrai? Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Alors, si vous le permettez bien, pendant les minutes qui suivent, la problématique qui était posée par notre bien-aimée sœur Laetitia, je ne sais pas si la connexion est assez bonne pour qu'on puisse travailler ce genre de thème-ci. Je ne sais pas comment on va faire, si c'est bon, si la connexion est bonne là. La connexion est bonne, n'est-ce pas? Maintenant, c'est stable. On t'entend bien, frère. Okay. J'espère que la connexion sera bonne. Donc, je tente de dire avant qu'il ne soit coupé que la question posée par notre bien-aimée sœur Laetitia concernant le don spirituel, enfin, l'un des dons spirituels, la connaissance, pardon, la connaissance et autres, là, vous a permis d'aller dans toutes les directions. Et c'est toutes les directions dans lesquelles vous êtes allé, c'est voulu par le Seigneur, afin que les incompréhensions puissent être amenées devant nous, afin qu'on puisse voir en clair ce que la parole de Dieu est en train de dire. Cela étant, si vous le voulez bien, puisque on a séparé ça en deux parties, dans la première partie, vous avez bien écouté, et j'ai écouté les uns les autres. Et où est effectivement que, tant qu'on n'est pas arrivé à l'harmonie dans les Saintes Écritures, sur tous les plans, vous pourrez continuer à prendre des choses et faire toute autre chose dont la Bible ne dit pas. Donc, il serait bien donc, que nous penchions sur ce thème-là. Voilà. Mais j'étais curieux de savoir comment vous êtes en train de parler sur ces sujets-là depuis, et personne ne cite des versets bibliques concernant ces sujets-là. Chaque fois quand vous abordez un sujet, par exemple, la sœur pose la question concernant la parole de connaissance, allez d'abord premièrement dans le lieu où on en parle. Vous lisez d'abord le passage, vous vérifiez ce que le passage dit, et puis non, à partir du passage comme point initial, vous pouvez donc maintenant commencer à aller dans d'autres domaines. Et la deuxième chose que j'ai observée, c'est que chaque fois que vous avez lu cela, et vous allez dans l'Ancien Testament chercher les prophètes pour en parler avec les prophètes. Si vous allez sur les prophètes pour chercher les dons spirituels, vous allez voir tous les dons en eux. Que vous le voulez ou pas, vous allez voir tous les dons en eux manifestés. Donc, il serait judicieux donc, d'observer cela à la lumière du Nouveau Testament sous l'inspiration de la grâce. En regardant la période de la grâce, puisque ce sont les dons spécifiquement pour l'Église dans ce fait des temps, voir leur application dans les Saintes Écritures pour pouvoir amener la compréhension de tout le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que c'est dans le Nouveau Testament, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, comme vous avez lu par la suite, qu'à l'un est donné par selon l'esprit telle ou telle chose, à l'autre telle ou telle chose. Vous voyez que c'est lui qui amène ça à la connaissance de l'église, parce que ça veut dire que ça se trouve à l'intérieur de l'église jusqu'à ce qu'il nous amène ça à la connaissance. Et donc maintenant, c'est par là-bas qu'il faut commencer et avancer. Avant qu'on ne continue, si vous le trouvez bon, j'aimerais dire quelque chose, parce que quand le frère Martin parlait, j'écrivais et j'ai noté principalement ce que le frère Pierre a dit à l'entame de ses propos. Il a parlé de deux choses particulièrement. Il a parlé des vies de prière puis la méditation. J'ai noté cela. On va revenir là-dessus pour développer ces points de vue-là. Mais avant que j'avance, je ne sais pas si le frère Martin m'entend. Il a parlé et le frère Joseph Kamagate a fait objection là-bas en disant « Tu peux faire de cela des dons. » C'est-à-dire avec le don, tu peux faire des dons ce que tu veux. Et en deuxième lieu, il a dit « On peut manifester le don sans le Saint-Esprit. » Sans que ça ne soit conduit par Dieu. Donc, on peut manifester ce don-là sans que ça ne soit conduit par l'Esprit. Vous voyez effectivement que ces choses, ce point-ci, il faut éclaircir cela. Et le frère a pris le livre d'Éphésiens, Hébreux, chapitre 6, pour développer par rapport à ceux qui ont une fois été éclairés. Et vous ne l'avez pas laissé aller au bout. Chaque fois, quand quelqu'un prend ce genre de passage, il faut laisser la personne développer ses pensées. Développer parce que c'est la compréhension que la personne a. Et peut-être ça peut amener et faire jaillir quelque chose. Puis il est allé dans le livre des Nombres, chapitre 22, parlant des prophètes Balaam. Il a également cité 1 Roi, chapitre 13, parlant de vieux prophètes. Vous voyez que toutes ces choses-là mises dans la Bible, vous voyez effectivement que vous ne pouvez pas faire de la Bible en bougeant la Bible n'importe comment. C'est pour cela qu'il faut laisser la chose aller en harmonie. Maintenant, il faut donc revenir sur tous ces passages pour en dire clairement ce qu'il en est. D'accord? Amen. Voilà. Donc, si on prend ces thèmes, si maintenant, si le Seigneur le permet, on risquera de faire 4 maintenant, s'il faut développer la façon que je vois avancer là. Donc, on va aller jusqu'à un niveau donné, si on voit que c'est lourd, on va couper et on va développer certainement mes crédits. Mais si vous pensez, si vous le voulez bien, j'aimerais d'abord dire, d'abord, première chose, c'est que il y a des petites notions qu'on doit d'abord comprendre. On va comprendre ce qu'on appelle d'abord don, le don. Voir dans quel domaine de notre être ça s'applique. Et puis, voir également pour quel but les dons sont donnés. Quels sont les buts? Parce que ce sont les choses que si on perd de vue, on ne pourra pas comprendre son applicabilité. Si vous êtes prêts, on peut avancer maintenant. Merci Père. Merci Père. On peut avancer? Amen. Voilà. Et le frère Yannick également a pris le livre de Proverbes chapitre 8. Vous avez lu, il y a des choses excellentes là-bas qu'il fallait développer. Après, il a posé la question, qu'est-ce qu'on en dit? Mais je m'attendais à ce que les gens disent, par exemple, que voici la sagesse qui dit telle chose. Il dit qu'il a mis cela dans la parole, ainsi de suite. En tout cas, plaise au Seigneur, on va vraiment développer. Ce qui montre que l'Église a besoin du Saint-Esprit, voilà déjà des situations. Maintenant, vous prenez certaines personnes, parce que les thèmes sont tellement difficiles à développer et au-delà-bas. C'est pour ça que certains groupes chrétiens disent que non, il n'y a plus de miracles aujourd'hui. L'Église n'a plus besoin de miracles parce qu'on a la totalité de la parole de Dieu. Et voilà la totalité de la parole de Dieu qui est donnée. Il y a des incompréhensions dans la parole de Dieu. Donc il faut encore que l'Esprit vienne et explique ce que ça veut dire. La première chose que je vais signifier, c'est que l'habileté de l'homme est supplantée par l'Esprit de Dieu pour manifester les désirs de Dieu. Vous y êtes. L'habileté de l'homme est supplantée, dominée par l'Esprit de Dieu, pour pouvoir manifester l'Esprit de Dieu, enfin, le désir de Dieu dans la vie d'un être humain. On appelle donc cela le don spirituel. Vous m'avez suivi, frère et soeur? Amen. Ok, si vous Amen. Prenez 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, et lisez ce qui est écrit, et puis il va avancer. Donc, il faut qu'on comprenne d'abord le don, le fonctionnement, le but pour lequel ça a été donné, et puis voir toutes ces choses-là. Puis, on va revenir sur les versets que vous avez lus, proprement dit, dans cette notion-là. C'est ici, donc, au moment de comprendre, effectivement, que l'Église a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et puis, avec au frère Martin, on pourra donc réitérer les versets du chapitre 6 d'Hébreux, et Nombre, chapitre 22, par rapport à Balaam, et ainsi de suite. Avec Joël, chapitre 2. Il a également pris Joël, chapitre 2. Actes des Apôtres, je le suis. Frère, donc, il a là, vous êtes sorti du sujet, vous ne comprenez pas. Alors, on y va. Quelqu'un a dit, il faut que l'environnement est bon. Ce qui fait que quand il lit, il n'y a pas de raison. Le Seigneur Carole ou bien... Quand vous lisez, il y a un bruit. Pourtant, il y a des enregistrements que les gens... Mais avec ces bruits-là, donc, respectons nos chères personnes en soif de... Si nous avons les bruits chez nous, si... Comme chez le frère, la question, posez rapidement, puis vous fermez le micro. Ou encore, écrivez la question, je suis en train de causer avec sur le forum. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 3, 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables, comme venant de nous-mêmes, capacité au contraire. Il nous a aussi rappelé ministre d'une nouvelle alliance, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit. Donc, mon grand frère disait ici dans ce passage, et quoi que le frère Yannick ne sait pas ce qu'il y a, mon grand frère disait ce qu'il voudrait dire, c'est dire effectivement que le Saint-Esprit conduit à sa guise. Je dis, l'homme a le pouvoir. Vous avez cette capacité-là, vous l'avez développée parce que vous êtes un être humain, vous savez penser, vous savez faire telle chose. Mais la conduite véritable, quand c'est dans le plan de Dieu, vient du Saint-Esprit. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, vous allez voir effectivement que quand il passait près de Misie, il s'est disposé à entrer en Asie pour enseigner, pour aller annoncer la parole de Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit avait dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, qu'aller partout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Là-bas, il se dispose pour entrer en Asie, le Saint-Esprit ne le permet pas. Vous ne voyez pas que le Saint-Esprit n'est pas un blocus ou bien un mur qui va venir les bloquer de ne pas entrer. La question c'est comment le Saint-Esprit a-t-il empêché les apôtres de ne pas y entrer. Vous voulez vous poser la question pour savoir comment il le fait. Donc vous voyez effectivement que l'Asie est ouverte. Il peut entrer là-bas avec ses propres pieds, mais il est empêché par le Saint-Esprit, bloqué par le Saint-Esprit de ne pas y aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ici l'apôtre Paul a expliqué dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5 que l'homme a la capacité de concevoir les choses par lui-même, mais l'habilité qui est guidé par le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que la Bible, on parle en anglais, quicken our spirit. Voilà. Alors, donc, je redis ce qu'il dit tout à l'heure, là, que l'habilité de l'homme est supplantée par l'Esprit de Dieu pour manifester les désirs de Dieu. On appelle donc ça don spirituel. Donc, le don spirituel vient dans l'Esprit de l'homme, lorsque l'Esprit de l'homme est enveloppé par l'Esprit de Dieu pour manifester les œuvres de Dieu dans sa vie. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Alors, si ceci est compris dans ce sens-là, ça veut dire que si on réfléchit pour appliquer un don, alors il n'est pas spirituel, mais charnel, donc du domaine de l'âme, non, du domaine de l'homme, du domaine de la chair. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous avez remarqué que dans toutes les actions de Dieu dans la Bible, et depuis le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ses apôtres dans la Bible, vous allez voir effectivement que les gens étaient guidés. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Quand vous voyez, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. En réalité, qui est en train de parler, mes frères? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est donc pour cela que les gens ne comprennent pas ça. Ou je peux dire que non, c'était la vie de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Ce sont les recommandations du Saint-Esprit qu'il ne permet pas. Donc, l'apôtre Paul n'a rien à voir avec l'enseignement de l'enfant parce que l'église ne lui appartient pas. Vous voyez, quand il dit comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent, car il ne leur a pas permis d'y parler. Quand l'apôtre Paul dit ceci, c'est le Saint-Esprit qui en a parlé, puisque au finish, il dit que si quelqu'un est appelé à contester, nous n'avons pas cette habitude. Puis il va dire que c'était un commandement du Seigneur. Or, il n'a pas dit ainsi parle le Seigneur. C'est ça que vous allez voir la différence. Donc, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, avant de venir, ils apportent la parole de Dieu. Ils disent que l'Esprit de Dieu m'a révélé ceci, le Seigneur m'a révélé ceci, ainsi parle l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas obligé d'être comme ça. La personne parle comme si vous conversiez, mais il a donné la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu habite le cœur des croyants par le Saint-Esprit désormais. Pourtant, les prophètes, eux, la parole devait venir à eux pour qu'ils puissent aller donner. Je ne sais pas que vous voyez la différence. Si vous lisez par exemple dans le livre des Daniel chapitre 10, le verset 1, si vous lisez Daniel chapitre 10, verset 1 et Zacharie chapitre 11, vous allez voir toutes ces choses-là. Je parle chaque fois, j'essaie de me calmer pour voir si on a de me comprendre. Donc, si vous lisez le livre de Daniel, chapitre 10, verset 1, vous allez voir effectivement comment la parole a été révélée. La parole a été révélée. D'accord? Et dans le chapitre 11, le verset 25 à 29 d'Ézéchiel, la même chose, c'est la parole qui leur a révélée. On va revenir si le Seigneur le permet. Si le Seigneur ne permet pas aujourd'hui, je reviendrai dans un autre enseignement. Alors, avant d'avancer, la capacité de l'homme qui lui incombe. L'homme est capable d'inventer certaines choses, comme vous voyez l'avion, toutes les choses, les arsenaux de guerre, tout ce que nous avons là, des réflexions, parce qu'ils ont l'intelligence donnée par Dieu dès la base. Mais pour manifester les capacités spirituelles, pour manifester les choses de Dieu, à cet instant-là, il faut la capacité du Saint-Esprit instantanée. Et pour avoir cette capacité de Saint-Esprit instantanée, votre esprit doit être enveloppé de son esprit à lui pour qu'il prenne le contrôle sur vous. Donc le Saint-Esprit gouverne sur ceux à qui le baptême du Saint-Esprit a été accordé. Maintenant, le frère Martin a dit que quelqu'un peut manifester les dons sans le Saint-Esprit. Vous voyez qu'à partir d'ici, maintenant, vous commencez à avoir des problèmes d'ordre doctrinal. Lorsque le Seigneur Jésus est sur la terre, Je ne sais pas si vous m'entendez, faites-moi seulement la main pour que je sois sûr que vous m'entendez, que la connaissez pas bon. C'est bon, la voilà maintenant. Lorsque le Seigneur est sur la terre, remarquez très attentivement que le don spirituel à l'intérieur des croyants vient par le baptême du Saint-Esprit, pas avant. Il veut que vous assimilez d'abord ceci. C'est-à-dire, le don spirituel vient avec le baptême dans le Saint-Esprit. Or, lorsque les chrétiens, lorsque les premiers disciples, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ étaient sur la terre, remarquez très attentivement, si vous lisez Luc au chapitre 6, le verset 12, lorsque le Seigneur va passer toute la nuit sur la montagne, il va descendre en priant, il va choisir, il avait plusieurs disciples, tout le monde était disciple, mais il va choisir en pointant directement les apôtres, les 12 qui vont marcher avec lui, auxquels il donne le nom d'apôtre. Quand il a donné le nom de l'apôtre, si vous lisez Matthieu chapitre 10, Luc chapitre 10, vous allez voir effectivement que le Seigneur Jésus-Christ va les choisir, à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir. Vous avez déjà lu ça dans la Sainte Écriture, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Quand il leur donne le pouvoir, je vous pose la question, comment il leur donne le pouvoir? Il crache dans leurs mains, il crache dans leurs lèvres. Comment il leur donne cela? Souvenez-vous, il n'y a pas encore le Saint-Esprit. La Bible déclare, il les envoya deux à deux. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8 et suivant, il les envoya deux à deux partout dans le village où il devait passer lui-même par la suite. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Pas vrai? Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Ressusciter les morts, purifier les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La Bible déclare qu'il a donné force et pouvoir sur tout esprit. Je pose la question, comment il a donné cette force-là aux apôtres de fonctionner? Puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit résident en eux. Vous avez moi? Amen. Notez le livre de Marc, par exemple, Marc chapitre 9, verset 38. En tout cas, ça se trouve dans les deux passages que je vais vous donner. Marc chapitre 9, verset 38. Et Luc chapitre 9, verset 49, cette fois-ci. Si vous lisez, si vous retrouvez vite les passages et qu'on lit rapidement, je vais avancer parce que c'est profond. Le problème des dons spirituels ici et leur compréhension. Dès qu'on va finir toutes ces choses-là, je vais vous donner des passages et des passages. Vous en avez donné, noté l'un quelque part tout à l'heure. Quand le frère Martin vous en a donné Joël, Actes des Apôtres, un roi. Ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans Marc chapitre 9, verset 38, il est question ici de l'histoire des gens. Ces gens qui viennent dire au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils ont. Si quelqu'un est là, lisez voir. Verset 38. Marc 9, verset 38 nous dit. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Voilà, c'est bon. Vous voyez, voici un homme qui ne marchait pas avec Jésus et ses disciples avaient constaté qu'il faisait les mêmes choses que les disciples du Seigneur faisaient. La question que je vous pose, c'est par quoi faisait-il ces miracles? Vous avez une réponse? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Maintenant, ouvrez Matthieu chapitre 7. Il était plus avancé que les disciples, frère. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7. Vous avez cité ça tout à l'heure là encore. Vous y êtes? Lisons les versets 21, 22, 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ou non. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Restez dans ce verset 23, restez dans ce verset 23 et soulignez, je ne vous ai jamais connu. Puis, il y a le groupe d'expression sur lequel vous avez épilogué tout à l'heure, là, vous qui commettez l'iniquité. Alors, maintenant, Jésus chasse ces gens parce qu'ils commettent l'iniquité, ou bien parce qu'ils ne les connaissent pas, ou bien parce qu'ils ont fait les miracles en son nom sans être de lui. J'ai répondu moi. Quelqu'un a-t-il des réponses? Il ne les a jamais commettre l'iniquité. Il ne les a jamais mandatés faire. Voilà. Dans ce cas, comment font-ils le miracle en son nom? Ces faux pasteurs qui utilisent le pouvoir de Baal pour faire les miracles, les délivrances, soi-disant être envoyés par le Seigneur Jésus. Verset 15. Verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà, nous y voilà. Le point est touché. Et le frère Martin, je ne sais pas pourquoi il y a cette résonance-ci. Le frère Martin a pris ces passages tout à l'heure pour développer. Et il a commencé en citant, en disant que le Satan lui-même se présente en ange de lumière. Donc, ouais, effectivement, que initialement, la personne n'est pas bonne. Mais comme ils savent exactement ce qu'est le bon modèle, il faut qu'ils s'imitent le bon modèle pour pouvoir se faire passer pour ce modèle-là. C'est-à-dire, Jésus est en train de mettre en garde ici les faux prophètes parce qu'il n'y a aucun faux prophète qui va venir prêcher au nom de Satan pour guérir au nom de Satan. Vous voyez le principe, hein? Ils prennent le nom de Jésus. En tout cas, le nom de Jésus-Christ, c'est la marque déposée auquel les autres peuvent utiliser maintenant pour faire du commerce. Ça ne veut pas dire que ces personnes-ci avaient le don spirituel venant du Saint-Esprit. Et ils ont péché, c'est à cause du péché que Dieu les a rejetés. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire plutôt que ce sont des gens qui sont issus de l'iniquité. Issus de l'iniquité. Parce que ce n'est pas le péché. On n'est pas en train de parler de leur vie de péché. Ici, on parle de l'iniquité. La Bible déclare que toute iniquité est un péché. Or, on ne dit pas qu'ils ont péché. On dit que vous qui commettez l'iniquité, c'est de l'injustice. Vous voyez, parce que Satan, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ouvrez ça, vous allez voir maintenant ce qu'il en est. 2 Corinthiens chapitre 11, merci Père. 2 Corinthiens. Ça crie chez quelqu'un là. Et, 2 Corinthiens chapitre 11, il ne sait pas rapidement, verset 13, c'est plein. Et si on veut lire seulement le verset, ça sera vraiment plein. Verset 13, qu'est-ce que ça dit, frère? Verset 13 dit: ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Oui. Continue. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Amen. C'est là le mot. On dit qu'il... Écoutez bien. Le Saint-Esprit dit ici qu'il n'est pas donc étonnant que ces ministres, les ministres de Satan, se déguisent en ministres de justice. Et justement, regardez bien, la justice, le contraire de la justice, c'est justement l'iniquité. Vous comprenez? Quand la Bible dit que toute iniquité est un péché, il a de vouloir dire toute injustice est un péché. Or, la Bible déclare ici, dans ce livre de Matthieu, chapitre 5, que éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez les injustices, parce qu'ils sont injustes. Mais ils sont seulement déguisés en ministres d'équité, en ministres de justice. Ils ne le sont pas. C'est pour ça qu'il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Il a dit, effectivement, en donnant les caractéristiques depuis le verset 15 du chapitre 7 de Matthieu, là, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Et puis, il va dire que tout arbre qui porte de bons fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que malgré le masque qu'ils vont porter, leur manière de fonctionner et leur façon de faire se fera jour. Ce sera révélé. Donc j'aimerais dire donc, que vous cessiez une fois pour toutes. Et je crois que ça va arranger beaucoup de choses maintenant. C'est que pour que Dieu te donne le don, écoutez maintenant bien, toute votre attention maintenant. Pour que Dieu t'accorde le don spirituel, il faut au préalable le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit ne vient pas pour que Dieu réfléchisse par la suite que comment faire. Il y a des promesses accessibles à chaque chrétien. Tant que, même si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des promesses dans la Bible comme ça. Parce que cela a été déjà fait. Je vais prendre deux de ces promesses pour vous saisir ce que je vais dire. Si vous lisez le livre, je veux toute votre attention véritablement parce que nous sommes touchés. Voici les domaines de l'esprit qu'il faut vraiment toucher dans l'église pour que les gens soient clairs. Parce que les pentecôtistes ont tellement bouleversé les choses. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 19, le livre de Luc au chapitre 10, verset 19 plutôt. Vous voyez comment la maman Sandrine est en train de manger là-bas. Elle mange, on est en train de manger la parole ici, elle est en train de manger sa part avec la bouche. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 10, dans le verset 19, la Bible déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Amen. Maintenant, ce passage-ci, ce n'est pas une promesse qu'un chrétien doit réclamer parce qu'il possède cela en tant que droit d'héritage en Christ Jésus. C'est tout à fait naturel qu'un chrétien, le serpent, ne puisse lui faire quoi que ce soit parce qu'il est chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je suis chrétien. Je n'ai aucune chose à réclamer pour dire que je marche sur le serpent parce que c'est automatique. Parce que la lumière prône sur le ténèbre. Lorsque vous allez du côté de la lumière, à cet instant-là, vous dominez sur les ténèbres. Ça, c'est un droit d'héritage en Christ Jésus. Maintenant, pour ce qui est des dons spirituels, regardez ce que Jésus dit. Ces personnes à qui Jésus a dit, par exemple, de façon physique, que je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pourtant, il leur a d'abord dit, vous voyez là, n'est-ce pas? Luc chapitre 10, verset 19. Donc, il leur a d'abord déjà dit cela. Plus tard, il dit, mais vous recevrez une puissance. Donc, ça, c'est une promesse. Maintenant, pour que quelqu'un témoigne, donc, il lui faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, la puissance du Saint-Esprit n'est pas automatiquement un héritage, allô, mais une promesse. Allô? Allô? Qui parle? Allô? Oui, frère Junior, j'ai une question. Oui, il prend la première question. Il y a juste ce passage de Luc que tu as donné tout à l'heure en parlant de la parole, là où le Seigneur dit que voici ce qui arrivera à ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils guériront des malades et tout. J'ai une question dans ce sens. Est-ce que si quelqu'un qui. Bon, il a prié, chrétien. J'avoue que je n'entends rien du tout. Je ne sais pas si les autres ont le même problème là. Parce que ça dérange chez lui. Vous entendez ce qu'il dit? Allô? Allô? Oui, mon frère. Ok. Ma question était celle-ci. Si quelqu'un qui dit être chrétien se fait mordre par un serpent et qu'il meurt, la personne n'est pas chrétien. Hein? Voilà. Ok, c'est la question là-bas. Oui. Si le chrétien, si le serpent le mord, il, si, et qu'il meurt, c'est parce que le verset l'a dit. Le verset dit que il saisira le serpent, le serpent ne fera point du mal. Mais si ça l'a plutôt mordu, on a dit qu'il va le mordre. On va pas dire que, donc le chrétien peut mourir comme tout le monde, n'importe quoi. D'accord. Il y a une église aux États-Unis où les gens prennent le serpent pour essayer de saisir, comme le livre des Marches, chapitre 16, dit. Ce n'est pas ça dont il est question. En réalité, nous voyons un exemple de cela dans les Saintes Écritures, comme l'apôtre Paul a porté les ailes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Sans savoir qu'il y avait des vipères là-bas, au point où les gens savaient que Vento va gonfler. Il n'est pas mort. Pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en réalité, on ne tente pas. Si quelqu'un prend plutôt le serpent en disant que monsieur va sur le serpent, c'est un peu comme tout à l'heure, comme tu disais, que quelqu'un peut avoir le don et fait n'importe quoi de cela. Supposons que quelqu'un dit que j'ai le don spirituel. Maintenant, il peut marcher sur le serpent. Il peut prendre le serpent pour marcher là-dessus parce que Dieu a dit comme ça là. Il a de tenter Dieu. Vous voyez, parce que quelqu'un qui a le don spirituel de Dieu, c'est effectivement comme l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 3, que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre. Il y a du bruit là. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre. Frère Junior, s'il te plaît. Oui. Je voulais, avant que tu ne continues, voir si j'avais bien compris ce sens. Parce que moi, quand ce verset-là, moi, je le comprends de manière spirituelle, c'est pour parler de l'ennemi, en fait. Ce n'est pas le serpent physique. Ça peut être le serpent physique. Ne t'inquiète pas. Ça peut être le serpent physique, mais la différence, c'est au niveau de l'accessibilité. Regarde, par exemple, quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est le frère Oswald qui parlait tout à l'heure, il a dit que si le don spirituel était sous notre contrôle, alors il n'y aurait pas de paralytique, ni de malade, ou quoi que ce soit. Et avec raison. Parce que si le don spirituel était sous notre contrôle, c'est pour ça que vous voyez que le mondain lance le défi au pasteur en disant qu'il dit qu'il guérit. Voilà les fous à l'hôpital Jameau, voilà les gens à l'hôpital psychiatrique. C'est parce que les pasteurs, la façon dont les pasteurs ont montré la vie chrétienne, c'est comme s'ils sont capables de faire n'importe quoi. Quand vous voyez effectivement que quelqu'un fait une campagne d'évangélisation et il prévoit faire des miracles, ou mieux encore, vous voyez les plaques des différentes dénominations, vous voyez effectivement que vendredi prophétique, séminaire pour les chaussures, pour la guérison et autres là-bas. Les gens s'attendent à ce que s'ils viennent là-bas, ils vont guérir. Or, donc ils programment ça pour Dieu. croyant que Dieu va le faire. Et Dieu ne le fait pas. Si les gens arrivent, ils ne sont pas guéris, on dit effectivement que c'est faux. C'est donc pour cela que vous voyez ces choses-ci. Or, si vous lisez Actes apôtres chapitre 19, vous allez voir effectivement comment la Bible déclare au verset 10 et à 12 que quand l'apôtre Paul s'est retiré avec les disciples dans l'école de ces Tyrannus là-bas, la Bible déclare que et Dieu, ça a duré presque 2 ans, et Dieu a opéré par les mains de l'apôtre Paul des miracles extraordinaires au point où on appliquait même les linges qui avaient touché le vêtement de l'apôtre Paul et que les malades étaient guéris, les démons sortaient des corps. Pas que le vêtement de l'apôtre Paul avait une puissance, que l'apôtre Paul avait imbibé quoi que ce soit. On s'était rendu compte tout simplement que ça s'est passé comme ça. Puisque cet apôtre Paul a dormi à Milet avec Trophime, le même corps qu'avait l'apôtre Paul ne l'a pas guéri. Donc effectivement qu'il ne peut pas avoir décidé que ses linges le guérissent. Les gens avaient seulement rendu compte que quand on mettait le malade, l'ombre des pieds, quand ça passait au moment donné, ça balayait. La puissance de la résurrection avait couvert son ombre. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, chaque fois son ombre touchait les gens, ils étaient guéris. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Jésus, notre Seigneur, quand il marchait dans Luc chapitre 8, il ne sait pas s'il avait vu de là, il y a une femme qui a touché à son vêtement, au pan de son vêtement. Le sang a coulé, le sang qui coulait là-bas s'est arrêté. Ça ne veut pas dire que toutes les fois qu'on le touchait, on était guéri. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est le moyen de Dieu de se révéler par ces différents dons-là. Donc, en clair, le problème du serpent de Marc chapitre 16 et Luc chapitre 10, dont je suis de parler, ça peut être physique comme spirituel, parce que vous dormez, vous rêvez le serpent. Il y a des gens qui ont le serpent dans leur ventre qu'on a déjà délivré. Il y a des gens qui vivent avec le serpent à l'intérieur d'eux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ça peut être physique, comme le cas de l'apôtre Paul dans Acte chapitre 28. On a vu effectivement comment il a attrapé l'apôtre le serpent, au point où tout le monde savait qu'il devait mourir. Mais ils ont attendu longtemps, l'apôtre Paul a secoué cela dans le feu et puis c'est tombé. Et c'est la vipère, souvenez-vous, c'est la vipère. Ça lui a absolument fait le mal. Et à partir de là, les gens ont constitué que le garçon a été Dieu. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est au niveau des... Je prenais ces passages pour vous montrer deux styles d'héritage dans l'église, ou même pour les chrétiens. C'est que dans le livre de Marc, enfin, de Luc chapitre 10, il est question de quelque chose qui est propre à chaque chrétien. C'est ça qui veut faire que vous voyez la différence. La Bible déclare que... Regardez très attentivement. Dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis dans le paquetage, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils feront des choses. Plus tard, quand le Saint-Esprit va venir, il va mettre chacun dans son couloir et chacun dans son ministère. Le même Saint-Esprit opère toutes ces choses de façon différente dans les vies de chaque personne, selon l'appel qu'il a de lui. Ça ne veut pas maintenant dire que tout le monde automatiquement peut opérer des miracles. Ça ne veut pas ce que ça veut dire. Quelqu'un peut être spécialisé dans un autre domaine. C'est ce que le Saint-Esprit a voulu enseigner dans les Saintes Écritures au travers du ministère de l'apôtre Paul dans le Romains chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 et Éphésiens chapitre 4 que le frère a cité tout à l'heure là dans la première partie. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a des façons spécifiques que l'Esprit donne à quelqu'un de faire telle ou telle chose. Vous parliez de paroles de connaissance tout à l'heure là. Vous pouvez avoir la parole de connaissance pour quelqu'un en lui donnant les déclarations sur sa vie sans que vous ne sachiez même que vous en avez fait les déclarations sur sa vie. Vous conversez avec quelqu'un et puis vous donnez la pensée de Dieu sans vous en rendre compte. Alors que vous n'êtes pas utilisé, ça se pose que votre intelligence n'intervient pas là-dedans. Lorsque votre intelligence intervient, et c'est pour ça que je t'en ai dit tout à l'heure là que si on réfléchit avant de pour faire un don ou bien manifester un don, ce n'est plus du Saint-Esprit. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est du domaine de la réflexion humaine. Parce que la capacité, ça vient du Saint-Esprit. Dans le livre de Luc au chapitre 17, et je crois que le frère Benjamin l'a signifié, le Seigneur avait dit aux disciples et aux apôtres, lorsqu'on vous serait mené devant les gouverneurs et ainsi de suite, ne préméditez pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il ne faut pas que le conflit entre le cerveau et la manifestation du Saint-Esprit entre en action. Le Seigneur Jésus leur dit, ne préméditez pas sur votre défense, ni la manière dont ce que vous allez dire. Parce que ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'homme. C'est pas ça, frère. Ça montre que le domaine de l'esprit n'est pas maîtrisable par nous, mais le Saint-Esprit passe au travers de nous pour faire son œuvre comme il le veut, quand il le veut. Et vous voyez ces choses-là manifestées dans le livre des Apôtres lors de la première manifestation du Saint-Esprit. Au verset 14, quand l'apôtre Pierre va se lever, il va commencer à dire, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la neuvième heure du jour. C'est ici que ça s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toutes chers, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Donc, vous voyez effectivement qu'il peut avoir des visions qui viennent du Saint-Esprit, des songes qui viennent du Saint-Esprit, et l'homme a la capacité naturelle de rêver. L'homme a la capacité naturelle d'avoir des visions nocturnes. Mais il y a d'autres capacités qui sont du don spirituel, du domaine de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit a constitué un être humain par le baptême du Saint-Esprit à avoir des visions, à avoir des songes. C'est ce qu'il dit dans ce livre de Joël. Or, avant que Joël ne dise, je vais déverser mon esprit sur tous chez vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens. Écoutez bien, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes. Mais dans l'Ancien Testament, avant que le mois du Saint-Esprit ne vienne, les gens avaient des songes. Pas vrai, frère? Maintenant, ça montre clairement que c'est pour ça que ça touche dans le but, le pourquoi le Saint-Esprit est donné. Pourquoi le but du don, c'est quoi? C'est manifester et orienter les hommes vers le désir du Seigneur. Parce que quand dans Ézéchiel chapitre 36, il a dit quand il va mettre son esprit en nous, il fera à ce que nous marchions d'après sa parole. Parce que sa parole, pour suivre le Dieu, il faut être esprit. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas lui obéir en obéissant avec la chair, ce n'est pas possible. Et par conséquent, l'esprit habitant en nous nous conduit dans sa volonté. De telle façon que tous nos choix, tout ce que nous voulons faire, doit être fait en accord avec sa volonté et ses désirs pour nous. Voilà pourquoi on parle de cette capacité spirituelle-là, le don spirituel. Les dons spirituels ont pour but donc d'édifier, d'amener les gens vers Dieu et de tourner les cœurs vers le désir que Dieu veut, d'accomplir sa volonté. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, tout ce que vous faites là, c'est pour vous. Parce que, regardez très attentivement pour que vous compreniez ce que ça nous dit. Prenez un exemple simple. Jésus dit, envoie ses disciples, comme j'ai dit dans Matthieu chapitre 10. Il dit, n'allez pas chez les Samaritains, n'entrez pas dans la ville des païens, mais allez par chez les brebis égarés des enfants d'Israël. Quand il leur envoie en disant ceci, vous voyez, aujourd'hui, les gens interprètent en disant que non, Dieu n'a jamais envoyé les Juifs aller prêcher chez les païens, ni chez les Samaritains. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Maintenant, Jésus, même Jésus vient dire maintenant dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Où est ce qu'il en est maintenant? Bah, ça veut dire que c'était conditionné, le premier envoi était conditionné par rapport à circonscrit dans une zone. Maintenant, l'apôtre Paul, à qui tout à l'heure il était dans Actes chapitre 16, voulait entrer en Asie. Quand il est entré en Asie, il voulait arriver à Éphèse pour prêcher cette même parole, c'est pour que les gens qui sont là-bas soient sauvés. Normalement, il a été appelé, comme on voit dans Actes chapitre 9. Nous voyons clairement qu'il a été appelé. Je ne sais pas si la connexion est encore stable là maintenant. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oh, c'est pas vrai. C'est comme une petite interruption. Oui. Là, c'est bon maintenant. Oui. Donc, il disait que l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16, voulait entrer en Asie pour aller enseigner, pour aller amener les gens à Christ, comme on le dit, n'est-ce pas? Mais Matthieu chapitre 28 dit clairement que la grande commission doit être prêchée dans tout le monde entier, pour à toute la création. Le voici qui veut entrer maintenant, Dieu refuse. Alors, la question c'est, est-ce qu'à Éphèse, il n'y a pas des gens là-bas? Ou est-ce qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Si on prend la terminologie comme on le fait aujourd'hui, qu'il faut qu'on passe partout, on prêche, on sort à toute occasion favorable, on prêche n'importe où on veut, ou effectivement on ne fonctionnerait pas d'après la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour cet instant-là, c'est que l'apôtre Paul ne prêche pas l'évangile là-bas. Est-ce à dire que les gens qui sont là-bas ne doivent pas être sauvés? Que non, ça veut dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Donc oui, donc vous voyez effectivement que Dieu communique ses grâces aux hommes, mais il l'utilise à sa guise, parce que si c'est l'homme qui l'utilise ça à sa guise, ils vont se faire du mal. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne donne pas, écoutez bien maintenant, ne donne pas la liberté aux hommes d'utiliser sa manifestation comme il le veut. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décider d'avoir des visions. Vous ne pouvez pas décider de prophétiser. Et même, vous ne pouvez pas décider de guérir, bien que les capacités soient en vous. S'il arrive que quelqu'un est malade devant vous, vous avez un don de guérison. Si le Saint-Esprit ne veut pas guérir cette personne, priez comme vous voulez, il ne guérira pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus, dans Jean chapitre 5, est passé dans une foultitude de personnes qui étaient couchées là-bas. Son ombre traversait les gens. Il frottait les gens en traversant. Mais il allait vers un homme. Il est vêtu, être guéri, qui était alité depuis 38 ans. Pas vrai? Alors maintenant, il a guéri celui-là. Il a passé au milieu de la foule. Il est parti. Mais c'est Jésus qui guérissait les gens, dont le corps touchait les gens, dont l'ombre touchait les gens, l'ombre qui guérissait. Donc, effectivement, qu'il est arrivé à guérir une seule personne, il est parti. Et même, dans cette même piscine de Bethsaida, quand les gens ils tombaient à l'intérieur, la personne qui tombait en premier, c'est lui qui était guéri. Si cette personne-là tombait en premier, il est guéri, il sort, vous dites que non, c'est toi aussi guéri, et vous vous dites plonger aussi, vous n'êtes pas guéri, parce que c'est le problème de Dieu veut que, enfin, la volonté de Dieu veut que ce soit la première personne qui soit guérie. La deuxième ne sera pas guérie, la troisième ne sera pas guérie. Or, pourtant, c'est dans la même eau que ça s'est passé. Donc, il y a un principe de soumission à la volonté de Dieu et de la volonté de Dieu dans les manifestations des dons spirituels. Autrement dit, les dons sont donnés par le Saint-Esprit, utilisés par le Saint-Esprit, selon la volonté du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu manifestée sur la terre. Si le Saint-Esprit était laissé à notre guise de contrôler, enfin, gardez-vous à l'esprit de savoir qui est le Saint-Esprit. Si nous savons que c'est le Saint-Esprit, c'est Christ en nous, que c'est lui qui est en train de faire l'œuvre, vous saurez très bien qu'aucun disciple ne donnera jamais de l'ordre au Seigneur d'agir. On ne peut pas commander au Saint-Esprit de guérir quelqu'un. On ne pouvait pas. Parce que nous sommes ses serviteurs. Et le serviteur ne commande pas le maître. Pas vrai, frère? Amen. Maintenant, tout à l'heure, nous avions lu le livre de Marc au chapitre 9 où le Seigneur Jean a dit qu'ils ont vu un apôtre, enfin, un homme qui faisait les mêmes choses qu'ils font, il chassait les démons. Il dit que nous avons empêché. Jésus dit que ne l'en empêchez pas. C'est donc pour cela qu'il a dit que laissez-les croître ensemble. Parce que tous les miracles qui vont être faits sur la terre seront faits au nom du Seigneur Jésus. Mais le problème maintenant, c'est que les miracles que Dieu n'a pas commandés ne viendront jamais à lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les miracles que Dieu n'a pas commandé. C'est pour cela que Judas avait les bonnes guérisons, les bonnes prophéties, les bons miracles. Parce que ça venait de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qui les a envoyés. Mais Jésus n'a jamais puni Judas parce qu'il a mal utilisé son don. Non. C'est parce qu'il est né fils de perdition. C'est n'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui concerne l'église, donc, on admet, et vous ne pouvez pas faire autrement, c'est que les dons spirituels viennent avec le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut avoir le don spirituel sans le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, commençons par là-bas maintenant. Frère, pardon? Oui. Je voulais un peu donner une exhortation à nos frères qui sont en ligne à présent. Je n'ai que, bon, plus avant que tu n'interviennes, on a eu à discuter, on a eu à se poser des questions. Alors, maintenant qu'on est dans la phase des réponses, qu'on arrête un peu tout genre de distractions et tout genre de questions supplémentaires. Ça ne sert à rien qu'on ajoute questions sur questions sans qu'on ait d'autres répondus. En ajoutant ainsi, on va avoir à distraire le frère à l'amener dans d'autres directions alors qu'il n'aura pas fini de nous donner toute la nourriture qu'il a pour nous concernant déjà les questions sur lesquelles on était en train de se poser. Donc, attendons qu'on ait nos réponses, laissons-le finir et ensuite, on pourra passer à d'autres questions. Merci. Merci. Et pendant qu'on est, peut-être en développant comme ça, ça peut, le Saint-Esprit mettre la question en vous. Notez plutôt la question pour ne pas vous éloigner. Comme ça, qu'on va finir à la fin, vous posez la question. Comme le frère Benjamin a signifié, parce que vous pouvez vous-même faire aller dans une autre direction. Donc, souvenez-vous que je vous ai écouté du début jusqu'à la fin de tout ce que vous avez dit et j'ai noté. Quand je vous écoute, vous posez les questions, je les note. Vous posez les questions, je note tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, je les note totalement. Donc, chaque personne qui intervient, je vous note avec votre citation. Et faites-en de même avec moi également. Alors, j'ai de quel livre déjà? 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, vous voyez effectivement qu'en suivant ces choses, ces questionnements, ça montre que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Oui, frère, j'ai juste une petite remarque par rapport à l'incompréhension qui s'est passée. C'est-à-dire, le frère Joseph disait, disait que est-ce qu'on peut avoir le don et ne pas... Le frère Martin disait qu'on peut avoir le don et ne pas... Ne t'inquiète pas, mon frère, j'ai noté ces deux pensées. Et c'est pour cela que le frère Joseph a rejambé. Il a dit que quand le Saint-Esprit nous est donné, que tu peux faire de cela ce que tu veux. C'est donc pour cela qu'il a pris le livre d'Hébreux, chapitre 6, et puis le cas de Balaam. On va y revenir. Permettez-moi qu'on développe. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est il a dit qu'on peut manifester le don sans être conduit par le Saint-Esprit. On va interroger tout cela maintenant, d'accord? Amen. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, nous voyons dans la Bible, nous voyons des choses qui semblent être comme ça. Prenons par exemple un cas. Balaam, est-ce que Balaam a marché hors de la volonté de Dieu? Ou mieux encore, est-ce que vous avez la vue dans les Saintes Écritures, on appelait Balaam par exemple, après les 66 fois, on parle de lui dans les Saintes Écritures. Est-ce que dans les Saintes Écritures, on l'appelait faux prophète par exemple? Vous avez vu un endroit où on appelait faux prophète? Non. S'il y a un prophète authentique dans les Saintes Écritures, c'est lui, pas vrai? Amen. Alors, maintenant je vous pose la question, dans les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'on lui reproche? Puisque dans le livre de Jude, dans le livre il y a trois livres principalement du Nouveau Testament. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 11 et suivant. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, on en parle encore. Et puis dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, on en parle par rapport à la doctrine de Balaam. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que le Seigneur a suscité au travers du prophète Balaam pour enseigner à l'Église? Est-ce le fait que Balaam a utilisé le don? En tout cas, si vous parlez du don, Balaam n'avait pas de don, il était un don. Vous devez savoir la différence également là-bas, ici. Donc là-bas, il ne s'agissait déjà pas des dons spirituels. Je crois que vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Là-bas, il n'est pas question de don spirituel, il est question de don homme. C'est un être humain donné en don pour pouvoir voir les divisions de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est question de don spirituel. Donc les gens qui avaient les capacités humaines et dont Dieu invite dans l'œuvre spirituelle, il leur donne son esprit afin qu'ils soient capables de faire cette œuvre-là, un peu comme il a fait lorsqu'il fallait construire les temples de l'Alliance, l'âge de l'Alliance, et ainsi de suite. Il a dû mettre son esprit dans quelqu'un pour que la personne puisse connaître, faire tout style d'art. Là-bas, ça c'est un don spirituel pour habiliter pour la construction de la tente d'assignation. Ici, dans l'église, il est question du don spirituel pour faire la capacité à comprendre non seulement les visions du Seigneur par rapport à ce qu'il appelle église, mais comment construire cette église-là jusqu'à maturité, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc, j'espère que vous devez faire la différence entre les dons spirituels et les dons hommes. Vous faites bien la différence, n'est-ce pas? Parce que tous les exemples que vous allez prendre dans l'Ancien Testament par rapport aux prophètes, il s'agit du don homme, pas le don spirituel. N'est-ce pas, mes frères? Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, je pose donc la question, est-ce que vous avez vu dans la Bible, là, est-ce que Balaam ne peut pas être appelé faux prophète? Parce que c'est un don homme. Le Balaam était dans la volonté parfaite de Dieu pour faire ce qu'il est en train de faire. Un de ce jour, on va y arriver. Parce que c'est lui qui a parlé de Shiloh. Allô? Oui. Allô? Oui. Une fois, j'ai une petite intervention, si tu me permets. Quand je parle de dans l'Ancien Testament, Dieu, tout, bon, du moins les prophètes, c'était des dons, hommes que Dieu a donnés, il donne au peuple et tout. Oui. Je veux juste que dans le Nouveau Testament, Dieu donne les dons aux hommes. Mm-hmm. J'ai un passage, je crois, c'est dans le livre d'Éphésiens qu'on disait tout à l'heure. La Bible dit, et Dieu a donné à l'Église, donc Dieu a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et en parlant de saint ministère, c'est Dieu qui leur a donné à l'Église. Bon, donc tu vois que là-bas un... également, c'est le don homme, n'est-ce pas, frère? Ici, je dis parce que tu disais tout à l'heure que bon, ça concerne l'Ancien Testament. Non, attends, c'est pas ce que je dis. Je ne dis que les dons spirituels, vous ne les retrouvez pas dans l'Ancien Testament. C'est ce que je dis, que dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas les dons spirituels, il s'agit des dons hommes là-bas. Je ne dis pas que dans le Nouveau Testament, je n'ai pas dit que dans l'Ancien Testament, il y a le don homme, dans le Nouveau Testament, il y a le don spirituel. Je suis en train de dire que quand vous posiez la question sur les dons spirituels, il fallait vous y atteler dans le Nouveau Testament pour comprendre comment ça a avancé. Parce que si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous allez confondre les dons spirituels et les dons hommes. Dans le Nouveau Testament, donc, il y a ces cinq catégories qui sont les dons hommes, mais maintenant pour les autres, il y a la capacité spirituelle que Dieu donne de participer à l'œuvre, d'où le don spirituel. Bien que les dons hommes, si eux aussi ont les dons spirituels en eux, imbibés dans leur ministère. D'accord, mon frère? Non. On peut avancer maintenant. 1 Corinthiens 12. Maintenant, je vais d'abord choquer. Il faut que je choque d'abord un peu maintenant. Je vais choquer maintenant avant d'avancer. Maintenant, pour qu'il y ait don spirituel, il faut la révélation, premièrement, de la personne de Jésus. Ça, c'est un. Pour qu'il y ait don spirituel, il faut la révélation de la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est deux. Maintenant, pour avancer maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12. Gardez-vous à l'esprit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, que nous avons lu aujourd'hui, où l'apôtre Paul, mon grand frère, disait que notre capacité vient de Dieu. Frère Junior. Oui. Quand tu dis il faut la révélation, tu veux dire quoi exactement, s'il te plaît? Pourquoi tu veux savoir comme ça, Vivi? Il y a des chocs d'abord. Finis d'abord le lit et puis viens arriver, mon frère. Ne t'inquiète pas. Ok. Quand tu vas lire maintenant, tu vas voir que c'est écrit là-bas. C'est parce que vous avez lu tout à l'heure, vous avez sauté. Allons-y. Verset 1. Bon, je vais lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, vous êtes suivi dans votre Bible. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, vous voyez effectivement que les problèmes que nous avons aujourd'hui, les Corinthiens l'avaient, n'est-ce pas, frère? Or, s'il y avait une église qui avait les dons spirituels, c'était à Corinthe. Maintenant, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous y étiez conduit. Donc, vous voyez effectivement que même dans le monde, ceux qui ne servaient pas Dieu, qui servaient les idoles, eux, ils étaient guidés par l'esprit de l'idolâtrie. Vous avez vu cela, frère? Alors, il dit ici que selon que vous étiez conduit. Conduit par quoi? Par l'esprit qui animait dans cette idolâtrie. Donc, vous voyez effectivement quelqu'un qui dit qu'il va ouvrir pour aller verser l'huile sur la tête de papa. Il croit que c'est lui qui en a décidé d'aller le faire. Il ne sait pas que c'est sur l'impulsion d'un esprit mauvais pour le pousser dans cette direction. Et donc, c'est pour ça que vous entendez, par exemple, le livre de Luc dit, par exemple, que lorsque Jésus est né, on l'a amené au temple. La Bible déclare qu'il y a un homme là-bas, Siméon, qui fut poussé par le Saint-Esprit. Il a été poussé par le Saint-Esprit à aller au temple. Vous pensez que le Saint-Esprit tape la main sur lui, comme ça, le bouscule comme ça, pour qu'il mange, il tombe comme les gens tombent à la renverse? C'est parce que quand il est poussé par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit l'a bousculé. Bousculé qui va au temple. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, mon Dieu, que Dieu nous dit. Maintenant, regardez, verset 3. C'est pourquoi, écoutez bien maintenant, le frère Pierre Nassour qui m'a posé la question, voici là où mon frère parle de ça. C'est qui encore ici? C'est qui cet instrument de Isaac en qui vient de créer le désordre là-dedans? Veuillez m'excuser avec ces cris-là. Alors, la Bible déclare verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul. Écoutez très attentivement, et maintenant nous allons toucher en profondeur ces choses-ci. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, et que nul ne peut dire, nul ne peut souligner le verbe pouvoir. On va arriver maintenant avec mon frère. C'est pour ça que, quand c'est lorsque vous allez nous voir à deux là-bas, vous allez nous voir certainement, je vous le dis. Et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui parmi vous ici, sait que Jésus est le Seigneur? Alors, tout le monde, vous savez. Ça veut dire que sans exception. Amen. Ça veut dire que sans exception, tout le monde sait que Jésus est Seigneur. Alors moi, je vous pose la question, comment le savez-vous? Ouvrez le micro, parlez-moi. La révélation. Pas la révélation. Ok, maintenant, je vous pose la question. Je crois qu'on va travailler sur la nouvelle naissance. On va parler de cette révélation-là, si le Seigneur permet mercredi. Donc, mercredi. Okay, allô? Oui. Allô? Oui, allô, frère Junior, j'ai une autre question. Désolé, je ne veux pas embêter avec, mais pendant que tu parles, ça me suscite des questions. J'aimerais que tu prennes toutes les questions et on pose après. Permettez-le de poser là maintenant et puis on va y revenir. Non, ça va tout droit. Ça va tout droit avec ce que tu es en train de dire, bon, ce que tu parles actuellement. Et effectivement, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut dire que Jésus est anathème, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Bon, je vais poser une question. C'est celle de savoir, quelqu'un donc qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu et qui ouvre sa bouche pour dire que Jésus est Seigneur, je ne sais pas, pour prophète ou apôtre, c'est pas l'Esprit de Dieu qui le dit ou bien je ne sais pas. Tu vois que tu as mal emboîté le pas, c'est la question que je vais vous poser. Bon, alors, c'est moi qui ai pris ce passage et j'arrive là maintenant. Vous avez dit dès le départ qu'il va vous choquer maintenant par révélation, que pour qu'il y ait le don spirituel, il faut la révélation. Maintenant, c'est pour ça que vous allez voir donc maintenant la différence entre l'imitation de la chair, ce que les faux prophètes peuvent faire et maintenant ce que le Saint-Esprit peut faire. Donc, vous voyez effectivement que même pour ouvrir la bouche, pour dire Jésus est Seigneur, il faut que votre voix soit contrôlée par le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Maintenant, comme tu le dis maintenant et comme je voulais le dire dans cet enseignement-ci, regardez sans exception les faux prophètes, les faux apôtres que nous avons aujourd'hui, enfin depuis la naissance de l'Église jusqu'à maintenant, tous disent que Jésus est Seigneur. Et enfin, quand il guérit, il dit que, oh, thank you Jesus, Jésus qui t'a guéri, ainsi de suite. Je crois que vous avez suivi la prédication, connais-tu ton pasteur, vous avez lu le témoignage, au moins sur votre réseau social, de ce pasteur nigérien qui est allé en bord de mer et qui a pris des esprits pour pouvoir faire les guérisons dans l'église, pas vrai? Et il y dit que là-bas, c'est un archbishop, c'est-à-dire un général overseer qui l'a amené là-bas, et ils sont nombreux qui vont là-bas. Mais ces personnes-là disent que c'est un ministère de Jésus, ils parlent de Jésus. Ils disent que Jesus Christ is Lord. Il y a même d'autres qui ont donné le nom de Jesus Christ is Lord à la radio. D'autres qui appellent leur ministère Jesus Christ is Lord. La question que je pose est ceci. Pourquoi le Saint-Esprit dit ici que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors que les gens le prononcent effectivement. Puisque là où nous sommes, vous prenez n'importe quel prêtre catholique qui dit Jésus est le Seigneur de tous. Vous prenez n'importe quel prêtre catholique, il sera au pied de Marie, au pied de l'idolâtrie. D'autres sont dans la franc-maçonnerie, en train de dire cela. La question c'est, qu'est-ce que mon frère est en train de dire ici, mon grand frère, l'apôtre Paul, dans ce verset 3. Donc, souvenez-vous qu'au verset 1, il a dit que pour ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, ça veut dire que nous voulons toucher là les profondeurs du don spirituel. Je pose la question, par quelle capacité dont les gens disent que Jésus est le Seigneur? Par quelle? Par quoi? Ils le disent avec la chair. C'est-à-dire avec la chaise. Pour que ça soit confond. Uh-huh. Avec la chaise, t'as dit quoi? Ça veut dire qu'on peut le dire tout simplement, ça vient de notre volonté. Mm. Mais quand c'est poussé par l'esprit, c'est d'où ce passage, ce verset prend effet ou bien est authentifié, quoi. Parce que c'est dirigé. Merci Pierre. Et dans ce cas, je te pose une question. Deux personnes devant toi disent Jésus est Seigneur. Comment sauras-tu ce qui est dit par l'esprit, ce qui n'est pas dit par l'esprit? Ah, il faut avoir l'esprit maintenant pour discerner ça. Vous voyez là, on se retrouve maintenant. C'est l'esprit qu'on a. On se retrouve maintenant que l'église a vraiment besoin du revêtement du Saint-Esprit. Parce que voilà dans les faux pasteurs qui sont dehors, nous sommes dimanche aujourd'hui. Combien de ces assemblées-là seront remplies déjà aujourd'hui? Ils prêchent au nom du Saint-Esprit. Pourtant, même leur pupitre est faite par le serpent. À l'intérieur, c'est tout le serpent, gouverné par le serpent. Vous voyez ce que Jésus dit? Mais ils ne diront jamais que la puissance du serpent vous délivre. Ils vont dire la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus. Que Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur sur votre vie. Et après même, il répète même la prière que je donne ta vie à Jésus, dit que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie. La question c'est, qu'est-ce que mon frère est en train de parler ici? Vous permettez donc que j'avance, frère? Ok, maintenant. Lorsque quelqu'un dont son esprit est gouverné par l'esprit, sa voix devient la voix de Dieu, ses pensées deviennent la pensée de Dieu. De 1 Corinthiens chapitre 2, notez. Alors, sachez donc maintenant, mes chers amis, mes chers frères, vous qui avez reçu la parole, sachez que lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il ne vous laisse plus libre de vous-même. Vous devriez savoir ces choses élémentaires du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vous vient pour vous emprisonner, pour que désormais, que ça ne soit plus votre volonté, mais la volonté de Dieu qui s'accomplit. Non seulement cette volonté, mais la volonté parfaite du Seigneur, désormais, pour votre vie. Donc, le Saint-Esprit, donc, quand vous entendez scellé, quand vous entendez que vous avez été scellé, qu'entendez-vous pas, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous en prenez? Emprisonné. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous souvenez-vous, on va revenir à 1 Corinthiens chapitre 12. J'espère qu'on aura le temps pour vraiment épuiser cela. Il y a au moins une trentaine, une quarantaine de versets maintenant à voir. Selon que. 1 Corinthiens chapitre 2. Frère Junior. Oui, ça vient encore de l'autre côté là-bas. Le passage. Frère Junior. Oui. Le passage que tu viens de donner sur lorsque quelqu'un est gouverné par le Saint-Esprit, là, le passage c'était quoi? J'ai dit que quand vous entendez parler du scellé, qu'est-ce que vous entendez par scellé? D'accord? Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, il dit n'attestez pas le Saint-Esprit par, de Dieu par lequel vous avez été scellé. Ferme ton micro. On avance là. Donc, en fait, quand il fait comme ça, c'est pour attirer votre attention. Quand vous lisez la Bible, faites attention à ce que le Saint-Esprit nous dit dans les Saintes Écritures. Vous voyez que quand vous, si vous comprenez que vous avez été à, je crois qu'un de ces jours, si on a le temps, on va revenir sur l'hébreu. Je crois qu'il faut définitivement qu'on explique cette histoire d'hébreu chapitre 6 là, une fois pour tout. Vous voyez que si vous avez été scellé, ça veut dire que votre esprit a été scellé. Votre âme a été nettoyée de telle façon que vous êtes vraiment scellé maintenant en Christ. Quand vous êtes scellé en lui, vous ne pouvez plus être décellé. Il n'y a pas le décellement dans les Saintes Écritures. Pour celui qui a été scellé. Oui, ça ne se trouve pas. Alors, on a des problèmes. 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, souvenez-vous, j'ai dit d'abord dès le départ que le don doit venir par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui a le don. Vous pouvez avoir une capacité naturelle de faire autre chose. Comme Dieu a dit, par exemple, tu mangeras la sueur de ton front. Ça, c'est une capacité intrinsèque à chaque être humain que Dieu a donné. Il y a des gens que dès le départ, comme quand je fréquentais en classe 4e, j'avais un garçon qui pouvait te regarder comme ça. Puis il ferme ses yeux, il te dessine sur la feuille. Mais toi, tu es à côté, tu as les yeux ouverts, tu ne peux même pas dessiner. Ouais, cette personne, c'est une capacité qui est intrinsèque, ce n'est pas un don spirituel. Mais le don spirituel doit venir après le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Et ce don spirituel a pour but d'édifier l'église, de révéler la volonté de Dieu et de conduire les gens sur la voie droite telle que Dieu a désignée. Parce que dans Ézéchiel chapitre 36, il avait dit qu'après le nettoyage, après le balayage de notre cœur, après la transformation de notre cœur en cœur de pierre, du cœur de pierre au cœur de chair, il va mettre son esprit en nous. Et quand son esprit sera en nous, il nous fera marcher d'après sa parole. C'est-à-dire dans la sainteté. Vous voyez? On y va. Alors, lisons à partir du verset 2, du chapitre 2 de 1 Corinthiens, jusqu'au verset 16. Allons-y. Bon, ils ne veulent pas lire, je crois qu'ils sont fatigués alors. Car je n'ai pas 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2 à 16. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait dessinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, et que je vous dis que nous avons la pensée de Christ, tu vas dire quelle prétention, pas vrai, frère? Amen. C'est terrible. Mon grand frère a dit là. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu a destiné pour nous par sa grâce. Il dit que lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, il y a d'abord l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de nous. Ça peut nous faire avoir les capacités, les réflexions humaines. Maintenant, il dit, l'esprit de Dieu est venu en nous pour nous mettre la pensée. Comme je t'en ai dit tout à l'heure, que le but des dons, c'est pour nous faire marcher dans la voie de Dieu, nous révéler ses desseins, ses plans, ses désirs par rapport à une situation bien déterminée. Et donc là, sans le baptême du Saint-Esprit, tout ce que vous faites là, c'est pour l'homme. C'est charnel. Et donc, maintenant, ici, il nous dit effectivement que ces choses-là n'est pas connues par les siècles passés. Ce sont des choses qui ne sont pas montées même dans le cœur humain ou quoi que ce soit. Il dit maintenant, cela a été révélé à l'Église maintenant par l'Esprit. Maintenant, de l'autre côté, au verset 12, donc, il dit, chapitre 12, donc, il dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère, si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, c'est la connaissance sur le plan humain. C'est ce qu'on appelle en anglais mental assent. C'est-à-dire qu'on a la connaissance par les renseignements. Par le renseignement par rapport à celui de l'apprentissage. Parce que l'esprit humain est capable de réfléchir et concevoir des certaines choses par rapport à la parole. Lire les écrits et comprendre. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans le livre de Ésaïe au chapitre 28, le verset 11, je dis clairement que dans les Saintes Écritures, il a caché ces choses même parmi les disciples. Si le Christ là, il cachait cela en disant qu'on voit cela, cet oracle, même parmi les disciples qui le suivent, à combien plus fort raison maintenant la nécessité de la révélation par l'esprit. L'apôtre Paul explique donc ici que la sagesse qu'il prêche là, il dit c'est parmi les parfaits. Vous avez remarqué cela, frère? Amen. Il dit que ce qu'ils enseignent, c'est la sagesse parmi les parfaits. Qui est-ce qu'il appelle les parfaits, frère? Les gens sont fatigués ce matin ici. Vous êtes fatigué, frère? Non, frère. Il parle des saints. Non. Ok. Non, le chrétien, les saints. Ok, je pose la question. Comment un chrétien... Il parle de ceux qui ont l'esprit. De ceux qui ont... Ceux qui jugent selon l'esprit. Voilà. Parce qu'on vient de dire là que le sang qui ne peut être jugé. Exact. Donc... Merci, frère Pierre. Merci. Maintenant, nous voici donc maintenant au sommet de notre vie en Christ maintenant, ou mieux encore au sommet de la fin des manifestations de ces choses dont Dieu a anciennement parlé par les prophètes. Nous voici maintenant à une porte d'ouverture de l'esprit qui est censé venir sur l'Église. Pensez-vous que l'Église se trouve, à ce point que nous trouvons, à la parfaite unité dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ dans sa prière dans Jean chapitre 17? Non, frère. Pourquoi? Parce que l'Église est remplie de pensées charnelles et des idées des hommes. L'Église est remplie de manuels intellect. Des manuels venant de l'intelligence humaine. Mais le apôtre Paul parle ici des révélations de l'esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient gouverner une pensée, la pensée commence à aller dans le sens que Dieu veut. Mais quand vous voyez ces choses-là dans les Saintes Écritures, depuis Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit descend sur l'Église, et qu'on pose la question à l'apôtre Pierre, homme frère, que ferons-nous? Oui, nous avons tué le Messie. Comme tu le dis, nous avons tué le Messie. Homme frère, que ferons-nous? Avez-vous vu l'apôtre Paul, Pierre, arrêter la prédication pour essayer de regarder les autres apôtres pour demander consultation? L'avez-vous vu consulter un manuel? Avait-il un manuel entre les mains? Frère, c'est sorti de façon spontanée. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Pas vrai? Frère Junior. Oui. Est-ce que, par exemple, ce passage, si on ne peut pas prendre ça, la réponse de l'apôtre Pierre, comme le don de connaissance, dans le don de parole, de connaissances. Oui, c'est ce que vous aurez dû faire dans la première partie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que, après avoir lu dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a parole de connaissances, parole de prophétie, ainsi de suite, ainsi de suite, vous devrez aller dans les Saintes Écritures, donc essayer de chercher comme ceci c'est quoi. Ça s'appelle à quel moment? Parce que s'il y a un don, il y a une manifestation dans les Saintes Écritures, il n'y a pas de don parmi les 9 cités là qu'il n'y a pas de manifestation dans la Bible. Sinon, personne ne peut donner l'interprétation de à quoi c'est telle ou telle chose. Sinon, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Ce Saint-Esprit n'a pas donné l'exemple, par exemple. On lui pose une question de façon spontanée, il répond de façon spontanée parce que Jésus avait prévu que c'est le disciple, quand ils vont être debout, c'est Christ qui parlerait en eux. Quand Christ parle maintenant en eux, s'il parle par prophétie, alors il s'agit de prophétie, s'il parle par connaissance, prenez 1 Corinthiens chapitre 14, regardons quelque chose, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Lisez-moi le verset 6 seulement, le verset 6, on va revenir dans 1 Corinthiens 14 par exemple pour le parler en langue et autres là. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Voilà. Maintenant, je pose la question, pourquoi l'apôtre Paul a envie d'emphaser, de faire d'emphase sur ces trois choses qu'il a envie de citer là maintenant, en éliminant ce qui semble être les dons spirituels? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a envie de dire? Regardez, lisez le verset 2, frère. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit les mystères. Verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il édifie, les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Donc, on voit effectivement que ici, on voit effectivement le pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit, enfin, les dons spirituels sont donnés en milieu chrétien. Pas vrai? Vous me suivez? Maintenant, on vous donne un don de guérison dans un pays où il n'y a pas de problème de guérison. Ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi là-bas, par exemple? S'il n'y a personne de malade, vous aurez besoin de don de guérison, frère? Non. Si vous êtes dans un endroit où la parole de Dieu s'est révélée, comme par exemple à Corinth, là-bas, si vous lisez le chapitre 1, verset 1 à 4, il y a dit clairement qu'ils étaient seulement dans la tente de Christ parce que la parole de Dieu leur a été révélée totalement dans sa totalité, avec toute sa puissance, aux Corinthiens. Donc ici, maintenant, il fallait seulement mettre de l'ordre dans cette révélation. L'apôtre Paul dit dans ce verset 6 du chapitre 14 de 1 Corinthiens, il dit, de quelle utilité vous serais-je s'il vient à vous parler en langue? Et que je ne vous parle pas par quoi? Quelles sont les choses qu'il a citées, frère? Par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Voilà, ça fait combien? Ça fait 4 choses. Ok, maintenant, je vous pose la question, comment est-ce qu'on doit parler par révélation? Par l'esprit, frère. Comment est-ce qu'on doit parler par... Il dit par quel moyen? Je voulais dire, qu'est-ce qu'il appelle par parler par révélation? Vous voyez? Ouvrez Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, merci, Père. Que l'intelligence n'intervient pas. Ce que l'intelligence n'intervient pas, que Dieu te bénisse, mon frère. L'intelligence n'intervient pas. Ouais, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure là que si on réfléchit pour manifester un don, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du don du Saint-Esprit, mais la capacité humaine de l'intellect. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par exemple, vous pouvez choisir d'aller prêcher à quelqu'un. Vous dites qu'il faut qu'il lui dise que je vais résister. Voici le passage qu'il veut préparer. Vous arrivez là-bas, vous faites les conversations que vous faites, vous ne touchez même pas un seul des versets que vous avez préparé. Pas vrai, frère? Allô? Oui. Oui, allô, mon frère, j'ai toujours dans la même lancée une autre question, dans le passage de Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 14 qu'on vient de lire tout à l'heure. Ok, on va aller à partir du verset 15, si possible. À partir du verset 15. Et il dit ici, que ferais-je donc? Je vais lire à partir du verset 13. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le temps d'interpréter, car si je parle en langue, mon esprit en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce à l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu pour ce que je parle en langue la plupart, plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ok, je veux savoir ici de quelle intelligence l'apôtre Paul entendait parler. C'est ma question. Bonne question, c'est l'intelligence renouvelée. Maintenant, tu vois, la personne qui est en train de parler ici, c'est le Saint-Esprit qui est en train de donner l'instruction à l'église par rapport à leur style d'intelligence et leur style d'interprétation. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de l'apôtre Paul. Donc, quand vous entendez l'apôtre Paul dire, par exemple, que dans l'église, j'aime mieux dire quelque chose, ne pensez pas que ça soit il s'agit de l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler parce que sa pensée est unie à la pensée de Christ. Il est en train de donner la pensée de Christ concernant ce sujet. Puisque verset 37, il dit que si quelqu'un croit être prophète, qu'il reconnaît que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Vous voyez, ça, c'est dans ce chapitre que ça se trouve. Quand il dit dans le verset 37 que si quelqu'un il ignore, qu'il ignore. Que si quelqu'un croit être prophète ou enseignant ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris. Donc les écrits qu'il a fait là venaient comme un commandement du Seigneur. C'est la pensée de l'apôtre Paul, la pensée que le Saint-Esprit a déposée dans l'apôtre Paul pour pouvoir dire à l'église qu'en réalité, voici comment les domaines de votre corps, de votre qui sont gouvernés par le Saint-Esprit. Donc il ne s'agit pas de l'apôtre Paul qui dit que je décide maintenant de parler de la révélation. C'est pour ça que je me pose bien la question si les gens comprennent quand on lit l'apôtre Paul. D'accord, mon cher frère. Alors, souvenez-vous de... Okay, dans la même lancée, c'est un passage. Mais dans la même lancée, j'ai toujours une question. On va aller dans 1 Jean, oui. Chapitre 5, verset 20, parlant toujours de l'intelligence. Oui. 1 Jean 5, verset 20. Il dit qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. D'accord. Et nous sommes dans le véritable en son fils, qui c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. N'est-ce pas, mon cher? J'aurais une série de passages dans ce sens-là. Oui. On va aller aussi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 18. Oui. Après avoir dit au verset 17, justement, que c'est ce qui vous déclare dans le Seigneur, que vous devez marcher comme les païens, la Bible déclare qu'ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance, à cause de l'absence de la vie en eux, parlant des païens. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Ok. La Bible dit ils ont l'intelligence, mais elle est obscurcie. Oui. Donc, ils ont l'intelligence, mais elle est obscurcie. Oui. Donc, ils ont à la base l'intelligence, oui. Mais leur intelligence est obscurcie. Oui. Ok, si tu permets, j'ai toujours un autre passage. Permettez-moi, parce qu'il y a un point que tu es en train de développer depuis. Oui. Et je suis en train de méditer. Parce que tu as dit, nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre intelligence. Donc, ça, sur cette base-là, il y a un certain nombre de questions. Mon frère, Martin, attends, j'arrive. Maintenant, regarde-moi, fixe-moi sur l'écran, je vais te dire quelque chose. Regarde bien. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 que tu as pris, tu vas remarquer que l'apôtre Paul parle de deux groupes de personnes. Il s'adresse aux chrétiens en disant qu'on fasse attention par rapport à la marche contre comme les mondains, en disant que les mondains, eux, ils ont l'intelligence obscurcie à cause des ténèbres, parce que le fait que c'est les ténèbres qui gouvernent sur eux. Maintenant, pour les chrétiens, pour les croyants, comme tu viens de citer dans le livre de Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 5, il dit que nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pourtant, pour le monde, on dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ici, cette style d'intelligence a été donnée aux croyants pour qu'ils puissent connaître le véritable. Donc, c'est la révélation dans leur intimité. Maintenant, dans le livre de Jacques, où tu vas voir effectivement qu'il y a la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient du monde qui est diabolique, qui est terrestre. Tu vois un peu là? Et donc, ici, dans Romains chapitre 2, la Bible déclare qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Donc, une intelligence qui a la révélation de Dieu, c'est une intelligence qui a été renouvelée par le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Tite, parlant du baptême de la régénération. Je crois que la connexion est encore buggée là. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez là? Est-ce que tu ne peux pas plutôt, comme le frère Benjamin t'a dit tout à l'heure, noter tes questions? Allô, vous m'entendez? Comme ça, parce que j'ai l'impression que ça va aller dans cette direction. Vous m'entendez? Hein? Oui, c'est ce que tu entends. Comme ça, tu laisses le frère, parce que moi-même, je suis en train de noter mes questions. Comme ça, tu laisses le frère, il développe jusqu'au bout. Parce qu'avec les interférences et tout ça, là, après, parfois, à la fin, on ne reçoit même pas ce qu'on voulait. Alors, ce qu'on voulait recevoir à la place. Quoi. Vous m'entendez? Amen, frère, c'est bon. Voilà, ce qui t'a dit, avant que je ne sois coupé, là, j'ai tenté de dire à mon frère Martin que les chrétiens, l'intelligence du chrétien n'est pas l'intelligence que les mondains ont, que non. Parce que son intelligence a été renouvelée. La Bible parle de la renouvelation, le renouvellement de l'intelligence. Tant que quelqu'un se dit chrétien, que son intelligence n'a pas été renouvelée, si vous lisez le livre de Tite, chapitre 1, vous lisez chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7, vous allez voir ce renouvellement par le baptême de la régénération là-bas, qui fait de temps en temps qu'on commence à voir, à connaître les choses, les pensées de Dieu, les choses de Dieu, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2. Maintenant, je veux que tu saches effectivement qu'il y a une différence entre les pensées qu'on a en tant qu'être humain et l'intelligence dont la Bible parle ici dans la Bible. Je crois que le frère Martin, il ne sait pas s'il est connecté. Prends le livre de Matthieu, chapitre 10. Les deux premiers versets, qu'est-ce que ça dit? Non, pas Matthieu, le livre de Romains, chapitre 10. Il ne sait pas, il est là, il ne le voit plus sur mon écran ici. Ou bien ça a été déconnecté. Le frère Martin, il est là. Non, frère. Ça s'est déconnecté. Je crois qu'on a des problèmes de réseau ici. Bon. À qui peut nous lire cela? Je crois que quand il va se connecter, il va entendre cela. Et quoi, pourtant, il y a des choses à développer ici, à déployer ici. Je leur rends le témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà. Le frère Olivier, son micro est ouvert. Alors, la Bible déclare, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ces personnes, c'est que l'apôtre Paul a appelé, sont les gens, vous prenez les pharisiens, sont les gens qui confrontaient Jésus. Ils servaient Dieu avec toutes leurs forces, mais ils étaient totalement hors du plan de Dieu. La preuve, ils pouvaient ne pas obéir au commandement de Dieu, mais sans se rendre compte qu'ils ne sont pas en train d'obéir. Jésus, notre Seigneur, va leur dire dans le livre de Jean, chapitre 17, enfin, Jean, chapitre 7, le verset 19, que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Ici, l'apôtre dit qu'ils ont du zèle pour Dieu, parce qu'ils font tout pour plaire à Dieu, mais sans intérêt, parce que d'abord, avant de commencer à servir Dieu, le Saint-Esprit doit devoir venir pour commencer avec toi. S'il ne commence pas, tout ce que tu fais là, c'est la religion. Voilà, on se retrouve, n'est-ce pas? Donc, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Si vous n'êtes pas intelligent, vous pouvez avoir la capacité. Vous pouvez avoir la capacité même pour faire n'importe quoi, pour concevoir n'importe quoi. Mais si le Saint-Esprit n'a pas renouvelé, c'est ce que tu fais là, est souillé. Amen. Alors, je recommence ce que j'ai dit ici tout à l'heure. J'ai dit que si on réfléchit pour appliquer un don, alors il n'est pas un don spirituel, mais une pensée charnelle, des désirs charnels ou les manifestations charnelles. C'est donc pour cela que vous voyez effectivement que les gens essaient de produire des miracles. Dans le monde, je crois que pour ceux qui ont fait la psychanalyse ou bien la psychologie, vous allez voir effectivement comment on peut mettre les gens dans un état de transe ou bien dans un état de psychose par rapport à des événements comme les pasteurs le font là, ceux qui ont fait ces choses-là à l'école. C'est pour ça que vous entendez d'autres personnes jouer le piano pour pouvoir se mettre dans une autre dimension. Comme le livre des prophètes le dit, le prophète Élisée, qui a dit par exemple, apportez-moi ici la harpe, jouez la harpe. Et quand on a joué à la harpe, l'esprit est descendu sur lui. Où est le problème, n'est-ce pas? Bon, on va revenir sur une autre chose encore avec ces choses. On peut continuer aujourd'hui. Alors, si je comprends très bien, ça dit, prenons l'exemple sur l'apôtre Paul. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit ne l'avait pas encore touché, donc, il avait l'intelligence obscurcie, en fait. Absolument, c'est ce qu'il dit. La Bible déclare, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, que nous tous nous étions de leur nombre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On dit que ce sont les gens, donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé. C'est pas ça, frère? Il a aveuglé quoi? 2 Corinthiens chapitre 3. Allons-y. C'est ça, mon frère. Prenons chapitre 4 de 2 Corinthiens. Je crois bien. Verset 2 à 4. Rapidement, Fred, rapidement, pour qu'on continue. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une doctrine astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous avez vu effectivement ce que l'apôtre Paul dit effectivement dans ce livre de Éphésiens chapitre 4, dont le frère voulait citer tout à l'heure là. Quand le voile là est mis sur ton intelligence, tout ce que tu fais, tu vas faire quelque chose par connaissance, mais que ça, c'est diabolique. Mais puisque les faux prophètes qui sont là-bas, les faux docteurs qui enseignent, ils prennent la Bible. Ils lisent effectivement comment Jésus a été crucifié. Ils lisent, ils expliquent. Mais leur intelligence est voilée. Parce qu'ils ne pourront pas accès, avoir accès à la révélation. Prenez aussi Éphésiens chapitre 2. Versets 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà, vous voyez. Donc, quand tu accomplis quelque chose, c'est la volonté de ta chair et de ta pensée. Mais la Bible explique donc que la pensée était gouvernée par le prince des puissances de l'air. Donc, toute suggestion. Tout ce qui venait, même si tu pensais que c'était bon, venait du diable. Je les rends le zèle qu'ils ont de témoignage pour Dieu, qu'ils servent Dieu, mais sans intelligence. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Ils ont construit leur propre religion. Ils vont faire des choses pour que Dieu les aime. Mais ce n'est pas comme ça. Or, 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit que ce sont les choses que Dieu a prédestinées, qui a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il a préparé ça pour ceux qui l'aiment. C'est spécifiquement pour ceux qui l'aiment. Donc les dons spirituels sont regroupés pour une catégorie de personnes. Ou mieux, le baptême du Saint-Esprit est prédestiné pour ce groupe-là, pour ceux que Dieu a aimés avant la fondation du monde. On avance là. Amen. Voilà, maintenant, ayant répondu à cette question, je vais revenir dans le cadre. Je vais d'abord résumer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avant d'avancer. Nous traitons du... Frère Junior. Oui. Là où il dit les enfants de la colère, est-ce que vous pouvez un peu nous donner la lumière dessus? Je crois que il y a un enseignement, la marche dans la sanctification des enfants de lumière. Il faut faire la différence entre les enfants de lumière. On parle des enfants de colère. Un peu plus haut, tu n'as pas remarqué qu'il a parlé de leur nombre. Leur nombre, il l'a mis pour qui? Lui et le reste, elle assume. Comment? Comment, frère? Est-ce que la connaissance se donne encore là? On t'a... Le frère Olivier, il est là. Je suis là. Oui. Junior. Il dit en haut, il a parlé de leur nombre. Leur nombre l'a mis pour que nous étions de leur nombre. Il parlait ici de ce qu'ils étaient. Il était autrefois sans Christ. Il avait bien dit autrefois sans Christ. Mm-hmm. Mais quand il dit en haut, un peu plus en haut encore, il parle maintenant de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce qu'il appelle par fils de la rébellion? Le diable. Non. Il dit du fils, des fils de la rébellion. Fils de la rébellion est mis pour qui? Ah, les fils de la rébellion. Bon, les fils de la rébellion, non. C'est mis pour les hommes, ces hommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Comme l'apôtre Paul, parce que lui est un homme. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, puisque l'apôtre Paul était un homme, au mieux même toi, donc c'est toi dont il parle aussi, puisque tu es un homme. Dans le temps, sans... C'est ce qu'il veut parler. Je voulais dire, ok, maintenant, si tu te mets ici, est-ce que tu te mets du côté des fils de la rébellion? Pour l'instant ou bien? Il dit, maintenant, à l'heure tu me parles, mais est-ce que tu fais partie du groupe des fils de la rébellion? Non. Pourquoi? Parce que je suis déjà en Christ. Tu es en Christ. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre l'apôtre Paul dont l'esprit agissait sur lui? Parce qu'il a dit clairement que nous étions de leur nombre. Ils étaient ennemis de Dieu à cause de ces choses-là. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient les fils de la rébellion ou bien l'esprit-là agissait sur eux? Bon, si on considère ici, ce deux temps, il parle ici de deux temps, non? Mm-hmm. Il a expliqué la situation par rapport à sa vie. Bon, je vais relire encore. Mm-hmm. Dans vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, pendant ce temps, l'apôtre est la suite de ceux qui est en train de l'église d'Éphèse qu'il est en train d'exclure. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Mmh. Et nous vivons autrefois. Voilà, là, c'est le mot autrefois là, qui met l'autre, qui classe la situation dans le temps, mmh. le temps passé. Oui. Autrefois, selon la compatrice de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Voilà. La question maintenant, c'est quoi? Pourquoi c'est ma connexion vient. Pourquoi il dit les enfants de colère comme les autres? Pourtant, dans 1 Thessaloniciens, il dit par exemple que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Qui est-ce qu'on appelle les enfants de colère? Voilà. Allô? Allô? Oui, frère Benjamin. Oui. Ce sont ces fils de l'iniquité là. Ceux-là en qui le ministère de l'iniquité agit déjà là. En fait, ces païens dont il parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans Éphésiens chapitre 4, disant que nous ne devons plus marcher comme eux, ils marchent là. Parce qu'au passé, étant influencés par cet esprit-là, on marchait comme eux. Mais Christ nous ayant renouvelés, nous ayant rachetés, maintenant c'est à la lumière de la parole de Christ qu'on doit plutôt marcher. Mais eux, ils continuent en fait à marcher. Ils sont les enfants de colère. Et c'est à la colère de Dieu qu'ils sont en fait destinés, quoi. Pour nous, on a été égarés pour un temps et on est juste revenu sur le droit chemin par la grâce que Christ nous a accordée. Mmh. Frère Olivier, c'est bon? Hein? C'est bon? Non, je voudrais juste que tu m'expliques seulement le mot enfant de colère là, seulement quoi? Enfant du diable. Hein? Enfant du diable. Ouais. Mmh. C'est bon, non, frère? Ça, c'est bon. Mm. Bon, maintenant. Je voudrais poser. Ça va, pour le moment, j'attends un peu. Ok, je peux avancer maintenant. Mais frère, je vais encore revenir sur l'exhortation que j'ai donnée tout à l'heure. Nous sommes près de 24 connectés, 23. Chacun de nous a des questions. Et j'en ai vraiment un bon dictionnaire de questions, même s'il faut dire. Donc, si on doit également, chaque moment, par exemple, interrompre le frère, on n'aura pas ce qui est destiné pour nous. Et on va se retrouver à nous cogner les têtes au prochain partage, n'ayant pas profité de cette séance qu'on a avec le frère. Donc, pardon, laissons-le vider ce qu'il a sur le cœur pour nous, et ensuite, on pourra poser nos questions. Est-ce qu'on fait comme ça? Là, si vous avez des questions, vous notez. Dès que j'ai fini, dès que j'ai fini, posez les questions. Maintenant, on passe aux séances de questions, d'accord? Parce qu'au fur et à mesure, quand on parle, ça peut heurter. Et puis, c'est une chose qu'on a déjà eu à suivre. Comme le frère Martin disait tout à l'heure, là, que en prenant effectivement, comme la Bible dit, que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, il a pris le cas de Lucifer et puis prendre le cas de ses acteurs. Vous voyez, la bonne séance ou bien la bonne. La sagesse voudrait que vous allez dans la Bible et regardez dans la totalité pour voir ce que la Bible dit par rapport aux serviteurs de Dieu. Quand on n'a pas compris ces choses, c'est pour ça que dans les enseignements, vous voyez dire effectivement qu'il n'y a pas un faux serviteur de Dieu. Il y a le faux serviteur, il y a le serviteur de Dieu. Quand ces choses ne sont pas comprises, c'est ça qui amène l'incompréhension de cela. Vous voyez donc les conséquences d'avoir été dans les dénominations, non? C'est ce que ça peut apporter, c'est ça. Maintenant, on avance maintenant. Donc, je résume encore. Les dons spirituels ne sont pas manifestés par les capacités humaines. Les dons spirituels ne sont pas... La sœur Nafissa, ton micro est ouvert. Les dons spirituels ne sont pas manifestés par nos capacités humaines. Les dons spirituels ne nécessitent pas notre capacité humaine, du début jusqu'à la fin. Regardez par exemple, s'il fallait que l'apôtre Paul, en tout cas c'est plein dans les Saintes Écritures, nous avons commencé ici et nous avons défini les dons comme étant venant du Saint-Esprit, dans la source du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible déclare. La deuxième chose que nous avons vu, effectivement, c'est que le but de ces dons spirituels-là, c'est fait pour édifier l'Église, pour édifier les membres de l'Église, pour donner la volonté de Dieu, communiquer cette direction et donner ses différents attributs. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons lu tout à l'heure verset 2 et suivant, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui parle par prophétie, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, effectivement, que si la prophétie vient, ça a pour but d'édifier l'Église. Maintenant, si nous nous trouvons dans les Saintes Écritures, rentrons un peu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Gardez à l'esprit 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu aujourd'hui. Si n'importe quoi vous dérange, sachez donc que lorsque vous avez le Saint-Esprit habitant en vous, à partir du Saint-Esprit que vous avez en vous, Dieu vous communique ses pensées à tout moment comme il le veut, comme il le désire, sur quelque sujet que ce soit. C'est donc pour cela que l'apôtre Pierre pouvait se mettre debout, lui pose la question, il répond sans avoir à consulter qui que ce soit. C'est pour cela que l'apôtre Pierre prend sa plume en mettant, c'est le Saint-Esprit qui en est décrit au travers de lui. La pensée vient du Saint-Esprit. Il n'écrit pas pour corriger tout, non, je base ceci, j'ai mal parlé ceci. Ça peut blesser quelqu'un, comme quelqu'un le ferait quand il allait réfléchir. Parce que quelqu'un de réfléchir pour écrire, il va choisir les mots juste pour le parler, pour dire. Mais comme dans le cas de l'Ancien Testament, vous voyez effectivement comment Daniel donne la prophétie, qu'il écrit, il écrit, il dit qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Vous voyez, il écrit quelque chose par prophétie, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. L'ange lui dit, c'est pas pour toi, écris seulement. 1 Corinthiens chapitre 12, donc, mes frères. Et tu nous as laissé Éphésiens chapitre 3 en suspens pour nous expliquer la révélation. J'arrive justement parce que ça, il faut qu'on parle d'abord pour revenir. Ok. Mmh, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous, quand, même si j'ai un bout, j'attache un fil partout, je sais où j'ai attaché quel fil. Ne vous inquiétez pas. Éphésiens chapitre 12. Nous nous sommes arrêtés au verset 3 où on a vu quelque chose là-bas. Que c'est pourquoi il vous le déclare que nul, s'il parle par l'esprit, ne peut dire Jésus-Christ est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est là où ça nous a amené dans tous les sens, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est quoi Jésus est le Seigneur? Pour que le Saint-Esprit, on doit le dire par le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi Jésus est le Seigneur au point où c'est le Saint-Esprit qui a besoin de déclarer cela? Vous savez qu'on a dit que le déclarer fils de Dieu par l'esprit de sainteté, n'est-ce pas? Demandez à n'importe qui maintenant qui a fait l'école du dimanche, c'est qui Jésus? C'est le fils de Dieu. Il est qui? Il est venu mourir pour nous sur la croix. Quelqu'un dit comme ça, il a une bouteille de bière avec lui, avec un peu de kitoko là-bas. Il gratte les dents là-bas en plein bar. Il dit Jésus qui nous a sauvés. Ha. Alors je pose la question, c'est quoi Jésus est le Seigneur au point où il faut déclarer ça par le Saint-Esprit? Il faut que c'est le Saint-Esprit qui déclare ça dans quelqu'un. Quelle est la portée de Jésus est le Seigneur? Ou mieux, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire par Jésus est le Seigneur? Quand nous appelons Jésus est notre Seigneur, leur Seigneur est le nôtre. Quand vous entendez l'apôtre Paul dire à quiconque, en quelque lieu que ce soit, qui déclare, qui appelle le nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur est le nôtre. Qu'est-ce que vous comprenez par Jésus est le Seigneur? Oui, frère. Je pense que c'est le Saint-Esprit en nous qui prononce ce Jésus est le Seigneur. Et pour que nous prononçons cela, il faut d'abord être né de nouveau. Voilà. Maintenant, comme tu as prononcé comme ça, c'est le Saint-Esprit qui a prononcé, frère. Non, il y a la prononciation intellectuelle et la prononciation spirituelle. C'est là où on s'était arrêté tout à l'heure. Je posais la question, si vous avez deux personnes devant vous qui prononcent, comment savoir lequel vient du Saint-Esprit? Puisqu'il parle de la même voix, il parle de la même façon, il prononce de la même façon. En réalité, il veut dire, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par nul ne peut le dire si ce n'est pas le Saint-Esprit? Et regardez bien, je vous ai demandé de souligner le peut le dire. Et je vous ai dit qu'il veut venir là-dessus. Mais pourtant, voilà ça qu'on peut dire. On a la capacité de le dire. N'est-ce pas, frère? Il n'a pas dit que nul ne doit dire. Ça veut dire que ce serait une interdiction. Il dit, personne n'a la capacité de dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous entendez? La France dans la sainteté, bonjour, vous m'entendez? Allô? Ça s'est arrêté, c'est revenu là? Oui, c'est revenu, frère, on t'entend. Je suis désolé pour cette qualité. Donc, je disais que c'est le Saint-Esprit. Oui, mon cher. Allô? Donc, je disais que c'est le Saint-Esprit qui nous confirme que la personne qui prononce Jésus devant nous est discerné en fait. Okay, ça dépend aussi de notre relation avec le Saint-Esprit. Depuis les prédications que tu entends sur YouTube et sur n'importe quelle prédication que tu as entendue, que tu dois rester devant la télévision, tu as dit que quelqu'un a dit que Seigneur Saint, tu dis que l'autre je suis, c'est pas moi qui ai prononcé, frère. Parce que tu dis que le Saint-Esprit doit devoir confirmer ça en toi. Puisque la preuve est que chacun de vous, sans exception, vous avez suivi les prédications des faux prophètes, pasteurs, ça va dans le même compte. Oui. Et vous avez même souligné, notez même le cahier là, que c'est un bon enseignement, pas vrai? Exactement. Là, je pose la question. Le Jésus qui est Seigneur qui prononçait dans l'enseignement là, c'était qui prononçait cela? Frère, c'est quand la puissance qui est dans le nom de Jésus est dégagée, non? Ok, maintenant, les gens qui guérissent des malades là, ils disent que voilà la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. En disant que c'est la puissance de Jésus. En disant la même chose et la puissance, entre temps, ça ne s'est manifesté. Pourtant, ce n'est pas la puissance de Jésus. Qu'est-ce que vous en dites? Par rapport à la révélation. Le verset 1, ouais, pourquoi? Je vous ai dit, le frère Pierre Naxou, je ne sais pas s'il est encore là. C'est pour cela qu'il dit ces choses, c'est que pour les dons spirituels, il faut d'abord la révélation. L'apôtre Paul dit donc au verset 1 du chapitre 12, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous devrez comprendre, ou mieux être dans l'atmosphère de pourquoi l'apôtre Paul a dit ces choses-ci, véritablement. Pour ce qui concerne les dons spirituels, là, ne soyez pas dans l'ignorance. Vous devez savoir arrêter là, au volet suivant. Il dit que quand vous êtes dans le don spirituel, vous êtes conduit par le don spirituel, par l'esprit qui donne le don spirituel. De la même façon comme quand vous étiez dans, vous conduisiez dans l'idolâtrie muette là-bas, vous y étiez conduit. Donc, le Saint-Esprit conduit les gens de la même façon comme une puissance démoniaque conduirait quelqu'un. Donc, il faut en faire vraiment attention, limite. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire que la première chose à faire pour quelqu'un, c'est d'abord de vérifier si oui, de façon authentique, selon la Sainte Écriture, il a été baptisé. Je crois que c'était ici, à la France de la Sainteté, nous avons commencé à voir un sujet sur le baptême. Le Saint-Esprit, quelque chose comme ça, c'est ça? Et puis nous avons été interrompus vers la fin par un bruit. Vous voyez, on se retrouve là-dedans. Alors, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, comment vous allez faire maintenant pour saisir ces choses-ci? Puisqu'on dit que ce n'est pas l'Esprit qu'on doit comprendre les choses de Dieu, que Dieu a donné à ses enfants. Allons dans l'Éphésiens maintenant. Alors, Ephésiens. Oui, frère. Alors, Ephésiens. Lisez le verset 1 à 5. Oui, mon cher, quelqu'un parlait encore là. Non, je disais que souvent, le plus souvent, c'est pas directement comme ça qu'on ressent cela. Parfois, ça peut être soit pendant la méditation, soit pendant qu'on dort. C'est quand on a par exemple écouté un enseignement d'un faux prophète ou bien quelqu'un qui n'est pas de Dieu, et c'est après que le Saint-Esprit peut nous dire que non, ce que tu as écouté là, c'est pas de Dieu. Voilà. Ce que tu as écouté, c'est de Dieu. Là, nous traitons. Souvent, le plus souvent, c'est pas tout de suite. Attends, mon frère. Qu'on est en train d'écouter. Attends, là, nous traitons. Et ça dépend du Saint-Esprit. Il peut nous dire tout de suite comme il peut nous dire après. Là, nous traitons d'autres choses. Tu traites d'autres choses là maintenant, il s'agit du discernement spirituel. Or, c'est dont il est question là-bas, on dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Je suis sur la personne qui parle, qui prononce ce groupe de mots. C'est parce que vous comprenez. C'est-à-dire qu'on dit nul ne peut dire. On n'a pas dit vous. Écoutez quelqu'un pour savoir s'il dit par le Saint-Esprit. On a dit que quelqu'un n'a pas la capacité de dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça qui est dangereux dans cette histoire. Parce que tu peux entendre n'importe qui dire Jésus est Seigneur. Vous voyez cela? Mais on dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, on dit frère. Ça veut dire que pour connaître le Seigneur, vrai Seigneur Jésus-Christ là, en tout cas, il a déjà dit dans le livre de Matthieu que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou le Père si ce n'est le Fils, ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc en clair, le véritable Jésus de la Bible doit se connaître par révélation. Si ça ne revient pas à toi, tout ce que tu fais, c'est pour toi et ta famille. Amen. Ok. Chapitre 3 d'Éphésiens, versets 1 à 5. J'espère que vous dites Amen, vous comprenez l'implication. Il ne faut pas qu'on avance d'abord, on commence à dire, ok, frère, il m'en vais me promener. C'est assez compliqué, hein, vraiment. Oui, on arrive, c'est la Bible là. Chapitre 3 d'Éphésiens, versets 1 à 5. Qui va lire? Si tu pouvais répéter ce que tu venais de dire, le frère Junior, s'il te plaît, pour que ça reste bien gravé là. C'est-à-dire que j'espère que vous comprenez l'implication. Non? Il dit qu'il ne faut pas que quand on va continuer, tu te déconnectes pour dire que tu ne peux pas te promener là, dans les bords de la mer de Tanger. Le frère Pierre a entendu. Donc, chapitre 3 d'Éphésiens. J'ai entendu. Alors, donc, j'étais en train de dire, donc, frère Pierre, qu'en réalité, ça veut dire que si vous comprenez bien ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 3, puisqu'il dit, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. On ne parle pas de ceux qui écoutent, mais celui qui parle. Et manifestement, nous entendons et nous avons convenu que même le faux pasteur dit Jésus est le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'en clair, prononcer. C'est pour cela que les gens. Regardez encore une fois de plus. En suivant l'enseignement sur Bamba et Baba, connaissez-vous votre pasteur? Le pasteur raconte dans son témoignage que les miracles se produisaient. Mais ce miracle-là, il a dit clairement qu'il avait pris chez le sirène des eaux. Il avait des huiles qui te touchaient, tu le suivais. Il devait coucher avec les vierges. Mais quand il prêche la Bible, il prêche le nom de Jésus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand il veut guérir, il va dire maintenant que Jésus a dit dans la Bible que voici les miracles qui accompagnaient ceux qui auront cru. En mon nom, je chasserai les démons. Je vous chasse au nom de Jésus. Mais ce sont des esprits des eaux qui sont en train de manipuler les gens dans les saintes écrits, dans les assemblées. Vous voyez cela? Mais la question ce que je vous pose maintenant, c'est que cette personne-ci, est-ce qu'il appelle le nom de Jésus dans la Bible? Maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, j'espère que la connexion est bonne là maintenant, c'est que le nom de Jésus est converti par les esprits qui les utilisent. C'est ça que je voulais vous dire. Amen. Vous avez saisi ce que je vous l'ai dit. Donc en réalité, quand il étend la main sur toi, il prononce le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est ce que tu connais parce que tu connais que c'est le label vrai. C'est pas ce qu'il prononce lui en réalité dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, tu ne peux pas prononcer que Jésus est Seigneur si c'est pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas maudire Jésus. C'est-à-dire que faire des choses en son nom, pas son nom, sans l'appeler. Puisque ce sont les sirènes des autres qui sont censés fonctionner. Puis ces mêmes sirènes, ils ont un chat dans le corps au nom de Jésus. Et c'est eux qui ont accompli les miracles ici. Nous avons un problème en milieu chrétien, je vous le dis. Nous avons un problème. Donc ça veut dire que si vous avez les oreilles spirituelles ouvertes, quand vous assistez à ces milieux-là, c'est que ces hommes-là prononcent, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai vu un pasteur comme ça, qui pendant sa petite prédication-là, il prononce bien Jésus de Nazareth et autres, quand il a les phrases à dire, mais quand tu veux prier sur les gens là, c'est au nom de Javaret. C'est grave. Il a une autre prononciation de ce nom là qui donne. Et c'est, j'ai suivi ça sur plusieurs enregistrements. C'était toujours la même chose quand il doit invoquer ce nom là. Oui. Il y avait toujours cette différenciation. Pourtant, après, il dit bien Jésus de Nazareth dans certaines phrases. Voilà. Mais là, il donne une autre tonalité de telle sorte que si tu ne prêtes pas attention, tu ne peux pas vraiment savoir qu'il est en train d'appeler une autre personne. Le Seigneur. Alors, maintenant, combien sont-ils donc qui vont avoir ce discernement? C'est pour cela que les gens entendent que c'est le nom de Jésus qui prononce. Jésus, ils vont dire que n'avons-nous pas fait de miracle par ton nom? Et Jésus, plutôt a dit à ses disciples ici dans Marc, chapitre 9, que nous avons lu, que ne les empêchez pas. Les gens qui, après avoir fait un miracle en mon nom, ne parlent pas aussi mal de moi. Pourtant, ces esprits-là dans l'église, les sirènes, les autres, ont pour but de détruire l'œuvre de Dieu. Nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nul ne peut dire. Il n'a pas la capacité de le dire. Frère le Seigneur. Oui. Ça veut dire que, comme tu es en train de l'expliquer, ça veut dire que quand on dit ça, c'est que si un mauvais esprit le prononce, alors ça veut dire que le nom en question, excusez-moi pour le bruit, ça veut dire que le nom en question, vu que ce comme tu le dis, quand ces mauvais esprits-là, peut-être ces pasteurs-là, ces faux hommes-là, prononce le nom du Seigneur, il transforme ce nom-là. Ça veut dire que ce nom, s'il veut me le prononcer authentiquement, ça va lui déranger. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas la capacité de le faire authentiquement. Parce qu'il est faux. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc prononcer de cette façon-ci, de façon authentique, il faut une révélation de la part du Seigneur à ton sujet. Vous voyez, dans le Actes des Apôtres chapitre 11, il y avait les sept fils d'Esquiva. Vous connaissez l'histoire des sept fils d'Esquiva. La Bible déclare que quand ils sont venus, les fils de Séva sont venus pour prendre cet homme-là. Donc, dit que nous te commandons de sortir de son corps au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, Paul a la révélation de Jésus. Il veut utiliser la révélation de Jésus, la révélation de Paul pour pouvoir chasser le démon sur quelqu'un. Là, le démon, on dit l'homme dans lequel se trouvait l'esprit dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Donc, il a dû prononcer Jésus. Ce n'est pas la prononciation de Jésus qui est le problème, c'est le Jésus qui est Seigneur. Chapitre 3 d'Éphésiens, verset 1 à 5. Oui. Est-ce à dire justement que cette prononciation de Jésus-Christ là, c'est l'esprit en nous qui prononce ce nom là, ce n'est pas la bouche qui parle. C'est ça. Ça veut dire que sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prononcer normalement Jésus-Christ Seigneur. Vous ne pouvez pas. Amen. Mais il a dit, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Si donc même la prononciation doit être guidée par le Saint-Esprit, alors quelle est la capacité que nous avons à manipuler Jésus et le Seigneur comme on le veut? Nous commençons par le don spirituel. Je n'ai même pas encore touché le don spirituel depuis. Ils sont au verset 1 jusqu'au verset 3. C'est là où nous sommes calés. Et à partir du verset 8, 9, on va parler de ces 9 dons-là. Imagine donc qu'il faut s'étaler don après don. Il dit verset 1, je vous écris ceci afin que vous ne soyez pas, pour ce qui concerne les dons spirituels, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Alors d'abord le chapitre 3 de Éphésiens, là, lisons rapidement, verset 1 à 5, et puis on revient. Je crois qu'on va continuer ça dans la suite, dans un autre enseignement, parce que je sens que c'est lourd. Il va falloir que je puisse essayer de débrayer ça doucement. Non, nous avons tous le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit. Ça marche. Prier, ça marche, je vois. Le Saint-Esprit vient et ça ordonne la capacité de Dieu et donne l'ordre de Dieu pour suivre un chemin bien tracé pour chacun de nous. Vous pouvez réciter la Bible en disant que non, il nous a baptisé du Saint-Esprit. C'est la Bible que vous en avez lire. Si ce n'est pas réel, là, ce que tu fais, c'est pour toi. Alors, allons ici, mon frère. Verset 1 à 5. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints. Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous avez vu de façon spécifique comment le Saint-Esprit a dit. C'est encore, voilà des choses sur lesquelles il faut aller. Remarquez très attentivement qu'il ne dit pas que ça a été révélé à tous les croyants. Il a spécifique, de façon spécifique, c'était deux catégories. Pas vrai, frère? Puis il dit ici. Ah oui, ça devient vraiment comment? Bizarre ou compliqué là. Comment c'est compliqué? Oui, oui. Vu qu'il a révélé seulement aux prophètes et aux apôtres, c'est cette deux catégories de personnes-là. Mais dans ce livre, même livre d'Éphésiens, chapitre 2, il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non, il n'a pas dit apôtres, prophètes et évangélistes. Il n'a pas dit ça. Il ne peut pas mettre l'évangile là-dessus parce que c'est le socle. Il faut devant le Seigneur de la terre que deux élevés se tiennent. Ce n'est pas trois. D'accord, mes chers frères. Alors maintenant, je peux avancer. Vous permettez que j'avance? Amen. Maintenant, dans ce passage que vous venez de lire, le Saint-Esprit dit que dans le contenu de la révélation, il y a d'autres personnes qui auront encore d'autres révélations en lisant la révélation. Pardon, est-ce que tu peux répéter? Je vais répéter, mon frère, c'est pour ça que je me calme d'abord pour voir si ça entre vraiment bien. Vous avez lu 5 passages. Or, j'aurais souhaité prendre depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 pour qu'on lit doucement, pour que vous compreniez. Mais je vais dire, dans les 5 versets que vous venez de lire là, le Saint-Esprit a dit dans ce contenu là que c'est la révélation qu'il a donnée à l'apôtre Paul. C'est appliqué dans les saintes écritures afin que les autres saints en lisant, ils lui donnent davantage de révélations. C'est ce qu'il dit. Si vous n'avez pas saisi, on relit encore pour que vous compreniez là où il a dit ça. Vous avez remarqué ça dans les écritures. Si vous n'avez pas remarqué, je vous dis. Les gens où c'est écrit. Comment, frère? Les gens où c'est écrit. Moi, je ne vois pas ça. Tu ne vois pas? Ok, maintenant, lis le verset 3 et 4. Allons-y, toi, Pierre, lis. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Oui. Ah, d'accord. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Prenez le verset 17 du chapitre 5 d'Éphésiens. Le verset 17 du chapitre 5. Rapidement, et on revient. Mes frères, je vous aime. Alors, pour les femmes qui n'avaient pas été connectées, lorsque, au début, j'ai parlé, j'ai dit qu'il y a un forum pour les femmes dans la sainteté. Pour celles qui voudraient y participer, écrivez-moi dans mon Skype pour que je puisse vous joindre dans le groupe. Les femmes dans la sainteté, je vais avoir un jour de travail seulement et spécifiquement avec vous et prier avec vous. Parce que le Seigneur a dit qu'il y a certaines choses qu'il veut traiter avec certaines femmes particulièrement. Donc, c'est vous est réservé. Donc, souvenez-vous, si vous êtes marié, vous êtes les femmes, vous êtes marié, vous faites des choses cachées, là-bas, je vais dire clairement. Et ça sera enregistré. Donc, votre mari risque d'écouter cela. Donc, si vous voulez mettre votre. Quand vous mettez sur le forum, arrangez les problèmes rapidement avant de venir. Parce que s'il dit, ne dites pas que frère, je n'ai pas pour moi, pour ma partie. Il n'y a pas de question de partie prise là-bas. Donc, arrangez-vous avant de venir là-bas, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous attendez d'abord que la première partie soit, la deuxième partie, vous entendez comment ça se passe avant de venir. C'est encore votre problème. Dans le verset 17 du chapitre 5 d'Éphésiens. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Maintenant, il écrit aux gens, il écrit comme ça, on devait donner à Éphèse. Lorsque les gens vont finir de lire, il dit quand vous lisez, vous devez comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Mais maintenant, il dit, dans le chapitre 3, il dit qu'en lisant les Saintes Écritures-là, il dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère qu'il vient d'écrire un peu de mots. C'est vrai qu'il n'est pas entré dans les détails. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans ce même chapitre 3, si vous lisez le chapitre 3 toujours, vous allez voir effectivement, il va, par cause de cela, il fléchit les genoux devant, je crois, un là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Verset 4, regardez le verset 14. Verset 14 à 21. Le chapitre 3. Chapitre 3. Le verset 3 du chapitre, verset 14, à partir du verset 14 du chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen. Donc, voilà, effectivement, que connaissant toutes ces choses, depuis le verset 7 jusqu'au verset 8, il dit qu'il a été fait ministre pour mettre en lumière toutes ces choses qui étaient cachées en Dieu. Dieu a des pensées qu'il avait cachées en lui-même. Il s'est choisi un homme sur la terre qui écrit des grandes lignes de ces choses-là. Il dit donc, en les lisant, vous pouvez vous représenter. Vous pouvez vous représenter en lisant, la révélation va venir. En lisant, la révélation va venir. Vous voyez, ça c'est l'apôtre, ça c'est le Moïse du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez, pour le cas pour vous, c'est ce que je vous dis. Moïse est seul sur la montagne. Moïse est seul sur la montagne. On le dit, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Maintenant, il faut que Moïse explique à quelqu'un ce qu'il a vu. Si tu te trouves là-bas, lui seul il l'a vu. Quand vous voyez une image, par exemple, vous pouvez voir, si vous avez été à la gare, vous avez vu un style de véhicule et autre. Vous avez ça, c'est une représentation dans votre esprit. Maintenant, vous essayez d'expliquer à un peintre que la voiture était comme ça. Si il modifie, il fait la voiture. Si la voiture avait un coupe carré, il fait rond. Tu vas dire non, ce n'est pas ce que vous avez vu parce que le modèle se trouve en vous. Comment donc faire que ce modèle qui se trouve en vous puisse être manifesté? Dieu, dans les Saintes Écritures, a fait les personnages joints à Moïse. Il va dire que j'ai mis dans telle personne, mon esprit, afin qu'il soit capable de faire ce que tu vas dire. C'est vrai que quand Moïse vient, il explique que sur la montagne, j'ai vu le tabernacle était de fil retors, de fin lin, de peau de dauphin. Quand il le dit, celui-ci comprend parce qu'il a la vision par l'esprit de la chose, de la personne qui lui a révélé. C'est pas ce que vous comprenez. Alors ici, l'apôtre Paul a cette vision-ci, ça a été révélé à lui et au prophète. Lorsque vous lisez avec l'esprit de Dieu qui lui a révélé, il vous explique encore davantage de cette profondeur-là. Il dit donc dans 1 Corinthiens, nous avons lu ça aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit qu'ils ont la pensée de Christ. Et ils en parlent en employant des langages spirituels pour les choses spirituelles. Mais l'homme spirituel, c'est lui qui peut comprendre. Donc il faut que vous ayez l'esprit de Dieu pour comprendre ce qu'il en a dit. Maintenant, lorsque c'est donné par l'esprit de Dieu, l'apôtre Paul dit donc ici, donc, en lisant, vous pouvez vous représenter. Donc en lisant, quand Moïse explique à Oholiab en disant que la tente sera de deux coudées. Quand il dit deux coudées, Oholiab a la vision des deux coudées. Il a la vision de la finition du temps. Quand ça va finir, Moïse regarde le temple, la sœur Isène dit, c'est désagréable, désagréable. Sœur Isène, s'il te plaît, coupe ton micro. Merci. Ça a été coupé. Oui, elle a coupé, frère. Donc, en réalité, donc, sans la révélation de la personne de Jésus par le Saint-Esprit en nous, donc, en tout cas, le début de ce commencement, de tout ce que tout problème don spirituel commence par le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, on dit que si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, malgré qu'on va lui expliquer n'importe comment le don spirituel, ça serait exactement comme en train de pointer la lune et la lever de la lune à un aveugle. Il ne comprendra pas. Avec le don spirituel, la capacité de don spirituel qu'il y a en chacun qui a été baptisé, vous allez voir effectivement que dans vos vies, si vous avez le Saint-Esprit s'est manifesté d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas la capacité de Dieu d'utiliser quelqu'un. Je parle du don spirituel, c'est-à-dire le charisme, les grâces de l'Esprit de Dieu que Dieu te transmette, c'est autre chose. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui, même un païen. Pour parler dans le livre de Jérémie, dans le livre des Juges, comment il a donné le songe à quelqu'un, à un païen, donné l'interprétation par un autre païen et demandé au peuple de Dieu d'aller écouter cela. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Il a donné à Nebuchadnezzar, donné à Pharaon le songe. Pourtant, il a dit, mon esprit, c'est touché, vos fils vous prophétiseront. Donc, Dieu peut donner ces choses-là à n'importe qui, dans n'importe quelle direction. Mais pour ce qui est des dons spirituels, c'est réservé à ceux qui sont baptisés. C'est bien compris, frère? Notez, notez dans Romains chapitre 12, versets 1 à 12. Notez, notez. Romains chapitre 12. Notez. Notez Galates chapitre 1. Verset 11 à 16. Galates, chapitre 1, verset 11 à 16. Je crois que le réseau la dérange encore. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Vous m'entendez là? On t'entend, frère. Galates, chapitre 1. Galates. Galates chapitre 1, verset 11 à 16. Vous avez noté aujourd'hui 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Quoi bien? Verset 7 à 16. Notez aussi Actes des Apôtres. Ça, vous les connaissez déjà. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Luc chapitre 17, verset 1 à 11. Prenez aussi le temps de lire Éphésiens 1, 2 et 3. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 4. Chapitre 19, verset 10 à 11. 10 à 12. Acte combien, s'il te plaît? Acte 15, verset 4. Notez 2 Corinthiens 12 aussi. Vous y êtes? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez, n'est-ce pas, frère? Ok, si quelqu'un m'a entendu, si vous m'avez compris jusqu'à maintenant, j'aimerais que quelqu'un me fasse un résumé de ce me dit ce qu'il a compris jusqu'à maintenant par rapport au don spirituel. Remarquez que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas abordé le verset 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de 1 Corinthiens chapitre 12. Je veux que quelqu'un résume ce qu'il a compris déjà pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, vous avez noté 2 Corinthiens 3, verset 5 et 6, où l'apôtre Paul a dit que notre capacité ne vient pas de nous, non? Amen. Est-ce que les gens m'entendent ici? Bon, on t'entend. Oui. Moi, je ne pourrais pas résumer. Je vais écouter l'enseignement parce que je ne comprends pas beaucoup. Je ne comprends pas grand-chose. En fait, bon, je vais un peu essayer. Pardon. On a commencé par 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 5 à 6, là où il était question de ce que l'apôtre Paul a dit, de ce que leur habileté ne vient pas de leur volonté, mais c'est en fait une capacité, ça vient de Dieu, leur habileté. Et ça, il va nous expliquer comment, lorsque quelqu'un est utilisé par le Saint-Esprit pour manifester un don, l'intelligence en fait de la personne est supplantée par l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui agit en fait en lui, sans la contribution de son intelligence. Donc, et nous avons été amenés dans le livre de Luc, Marc, Matthieu, où là on avait ces disciples-là qui chassaient par exemple les démons au nom du Seigneur, sans toutefois les suivre. Et les apôtres se sont plaints. Donc, là on avait la situation des apôtres à qui le Seigneur a donné le pouvoir de chasser les esprits et les démons, mais sans que le temps pour leur mission ne soit arrivé. Or, le temps, c'est également dans... Donc, l'autorité qu'ils avaient reçue était en fait dans le nom du Seigneur Jésus, dans lequel il les a dit d'aller, de chasser tous les... de chasser les démons, guérir les malades et d'accomplir tous ces miracles-là. Or, étant donc revenu dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12 là, où on traite particulièrement de ces dons-là, il était question pour nous de voir déjà comment est-ce que le don peut agir en nous et comment est-ce que, quelles sont les conditions réunies pour que le Seigneur puisse se manifester au travers de nous. Or, il était question qu'on ait l'Esprit du Seigneur, qu'on ait l'Esprit du Seigneur, la pensée du Seigneur en nous, comme nous a dit le chapitre de 1 Corinthiens, chapitre qu'on a tout lu. Or, c'est l'Esprit du Seigneur étant en nous qui nous permet en fait déjà d'avoir cette capacité-là qui nous donne, quant au don spirituel. Et donc, dans cet 1 Corinthiens, chapitre 14, où on est allé, où on dit, nous ne peut dire que Jésus qui s'est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit, il était question de comprendre que c'est déjà par révélation qu'on peut connaître la personne du Seigneur Jésus, comme on a vu dans le chapitre 2, disant que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par son Esprit. Donc, la révélation, la connaissance du Seigneur Jésus étant basée sur la révélation, on a donc besoin de son Esprit, parce que c'est sans son Esprit, on ne peut vraiment dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et sans d'où, on est arrivé à la conclusion que sans baptême du Saint-Esprit, déjà, on ne peut manifester les dons. Et il faut qu'on ait l'Esprit du Seigneur en nous, afin qu'il nous révèle qui est vraiment la personne du Seigneur Jésus, afin que nous puissions marcher dans la puissance de son nom. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je peux dire jusqu'à présent. Je ne sais pas si un frère Winsor peut compléter certaines choses que j'ai eu à oublier ou à ne pas dire. Allô? Oui. Merci, frère Benjamin. Quelqu'un veut parler là? Allô? Oui. Oui, frère. Oui, c'est le frère Joie. Oui. Si je peux résumer ce que moi j'ai compris, hein, je peux le dire en 2 phrases. Donc, la première fois, c'est qu'on ne peut pas manifester le don du Saint-Esprit si on n'a pas été baptisé par le Saint-Esprit. Donc, c'est la base pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et dans l'exercice du don, c'est la deuxième fois, dans l'exercice du don, on ne peut pas exercer, exercer le don si ce n'est pas Dieu lui-même. Donc on ne peut pas exercer le don par nous-mêmes. Donc il faut que c'est le Seigneur qui nous oriente, parce qu'il nous a établi pour le don, c'est pour son ministère. Voilà. Donc c'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Merci, mon frère. Ok, lisez ces deux passages. Si le, d'abord, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Si quelqu'un a écouté, veuillez taper cela dans le forum. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 et 10. Puis, 2 Corinthiens 4, verset 7. Vous y êtes. Quelqu'un peut-il lire alors? Commence par quoi, frère? 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Le deuxième passage. 1 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Bon, je crois que normalement, lorsque je viens de parler en disant telle ou telle chose, vous devez savoir que les passages sont écrits. Donc, je vous donne les passages, je vous amène ça à la connaissance, pour qu'à chaque fois qu'on développe une idée, vous voyez cela confirmé dans les Saintes Écritures. Chaque fois qu'une idée est développée, vous voyez ça constitué dans les Saintes Écritures. Ces deux passages que vous venez de lire là, si vous lisez les deux passages que je vous ai donnés dans Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 4 tout à l'heure, et dans le chapitre 19, verset 10 à 12, ces mêmes idées ici ressortent. Prenez le premier, le chapitre 15 des Actes des Apôtres, verset 4. Vous connaissez, c'est l'histoire de la conférence de Jérusalem, mais le verset 4 nous intéresse. En écoutant toutes ces choses que nous sommes recherchées, là maintenant, vous devez comprendre donc que le verset de Luc, chapitre 24, verset 45 à suivant. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Attendez à Jérusalem. Demeurez. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que le Père envoie sur vous. Attendez. Vous devez comprendre effectivement que le cœur doit être dans l'attente. Dans l'attente de cette manifestation. Alors, verset 4 du chapitre 15 des 1 Corinthiens, d'Actes des Apôtres, qu'est-ce que ça dit? Actes combien, frère? Chapitre 15. Okay. Verset 4. Verset 4, on nous dit. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour avec eux. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul ne dit pas ce qu'il a fait avec Barnabas, mais il dit ce que Dieu a fait avec eux. C'est ce qu'il a dit dans ces 2 Corinthiens 4. C'est pour ça qu'il dit que les mêmes idées sont reprises là-dedans. Dans le chapitre 19, verset 10 à 12, il dit, et Dieu faisait au travers de l'apôtre Paul, par les mains de l'apôtre Paul. Dieu faisait par les mains de l'apôtre Paul. Si vous lisez entre les deux, là vous lisez, enfin, avant le chapitre 3, enfin non, le chapitre 14 des Actes des Apôtres, à partir du verset 8, à l'Icaonie, lorsque cet homme-là, important de pied, était assis, il déclare que pendant qu'il écoutait à parler de l'apôtre Paul, et à un moment donné, l'apôtre Paul se tournant les regards sur lui. On dit Paul, aussi appelé Saul. Saul a aussi appelé Paul, fixa les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. vous posez la question, comment quelqu'un peut voir que l'autre personne a la foi pour être guéri? Vous allez poser ce genre de questions, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Lui dit, lève-toi sur tes deux pieds. Ce n'est pas normal, pas vrai frère? Parce qu'on ne voit pas que quelqu'un a la foi. Je crois que toutes ces choses-ci doivent nous faire travailler la prochaine fois sur un sujet-là, la méditation. Pourquoi la méditation? Comment la méditation? Pourquoi est-ce que c'est important de la méditation? Et comment donc méditer? Prochain thème, il faut qu'on regarde cela, les Saintes Écritures. Pourquoi? Vous allez voir effectivement que ce sont ces choses qui amènent le Seigneur Jésus sur la scène. Si on fait ce qui est dit dans les Saintes Écritures, on va voir cela, la méditation, comme prochain thème. Voyons ces choses-ci. On avance. Amen. Ok. Maintenant, on peut continuer maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 maintenant. Oui, Frère Junior. Oui. Oui, ce n'est pas pour interrompre l'évolution de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Continue. Ce que je voulais poser une question. Oui. Ce que tu viens de dire là, je ne sais pas si ça répond à une interrogation que je voulais poser à la fin de l'enseignement. C'est-à-dire, depuis 3 semaines déjà, on est en train de travailler sur des choses vraiment compliquées, si je peux dire comme ça. C'est difficile à avaler. Oui. Mais je ne sais pas si la méditation répond exactement à ça. Parce que je voulais savoir, quand on travaille sur des choses difficiles comme ça, comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment est-ce qu'on doit aborder la Bible au jour le jour? Quand le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang. Quand l'autre dit que cette parole est difficile, qui peut l'entendre? Tu pensais que c'est pourquoi, frère? Pourquoi c'était difficile? Parce qu'il n'était pas amené à comprendre ça. Il n'était pas amené à comprendre. Mais qu'est-ce que la Bible déclare quand Jésus était en particulier avec ses disciples? C'était pour séparer, tamiser. Oui, oui, quand il était en particulier avec ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur expliquait le mystère. C'est ça donc la méditation. La méditation amène le Seigneur à t'expliquer plus profondément ces choses qui sont difficiles. D'accord? Parce que quand tu es dans la méditation, tu es seul à servir la parole. Il n'y a plus de bruit. Parce que lorsque je parle du vrac, c'est lorsqu'on est dans la population, on fait n'importe quoi avec Dieu pour écouter la prédication avec le monde, ainsi de suite. Mais quand vous êtes seul à servir la parole, vous êtes en aparté avec Jésus. Maintenant, il vous explique plus clairement ce qu'il veut dire. C'est comme ça la méditation. D'accord, mon frère, on va y revenir. Amen, amen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il peut avancer maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12, donc on va continuer. Nous avons compris, nous avons convenu que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, nous a expliqué que vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ est Seigneur si ça ne vous a pas été donné par révélation. Donc, si vous n'êtes pas baptisé authentiquement du Saint-Esprit, si tu dis Jésus-Christ est Seigneur, tu es en train d'imiter quelqu'un. Donc, si tu n'es pas basé de Saint-Esprit, si tu dis Jésus est le Seigneur, tu as d'imiter quelqu'un ou bien tu as entendu dire et tu le dis. Parce qu'il a dit, c'est par le Saint-Esprit qu'on doit le dire et qu'on peut le dire. 1 Corinthiens, donc, chapitre 12, verset 4 et suivant. On va lire doucement. Toutes ces questions montrent clairement que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Et si cet appel est dans cette direction, ça montre donc que le Saint-Esprit est sur le point de faire son entrée. Qui va lire alors? Le frère Yannick est parti, il est calé posté là-bas. Il y a diversité de dons, oui. Mais le même esprit. Oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Stop. En effet. Non, doucement frère, il y a un point là-bas. Quand il y a un point, arrête-toi avec que ta voix sonne avec le point. Dans ce verset 7, il dit que, or, à chacun, la manifestation de l'esprit. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Souvenez-vous au verset 1, il parle du don spirituel. Il dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Puis il dit que, or, à chacun, la manifestation de l'esprit. Donc, qui se manifeste, mes frères? L'esprit. Ces manifestations émanent de qui? Ces manifestations doivent émaner de qui? L'esprit. Je crois que les Français doivent être fatigués. L'esprit. C'est donc pour cela que j'ai dit effectivement tout à l'heure aujourd'hui que l'habilité de l'homme doit être supplantée. En anglais, on dit overshadowed, couvert, gouverné par l'esprit. Autrement dit, lorsque le Saint-Esprit veut manifester ce don, les capacités humaines font place à lui. C'est-à-dire que, en tout cas, la personne en qui le Saint-Esprit se manifeste est surpris après quand il revient en lui-même. Parce que c'est le Seigneur qui ouvre le rideau pour faire place à... mon Dieu. Saul fixa les regards sur lui. Quand ses regards sont posés sur lui, c'est Dieu qui en a de le regarder. La France dans la sainteté, bonjour et bon dimanche encore. Vous êtes là, la connexion est encore partie. Vous m'entendez? Vous m'entendez, mes frères? Est-ce que tu peux répéter? On a été coupé. Justement, on a été coupé. Je disais, la Bible déclare dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » On ouvre d'abord, on prend d'abord le premier volet. « La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun la manifestation de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui doit se manifester. Ça se manifeste en chacun. Donc cette capacité, c'est cette manifestation. Quand ça se déploie, je crois que. Donnez-moi un instant là, il faut qu'il règle le compte de ces enfants là maintenant. Il arrive. Laissez. Je te connais sur ce passage là, je reviens. Dieu le verrait pas au-dessus de tout. Tu viens de rejoindre le forum, coupe ton micro. Voilà, merci. Ne vous inquiétez pas, j'ai réglé le compte avec la chicotte. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, donc, le verset 7, il dit, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le frère Howard, tu as envie de parler, on ne t'entend pas. Le frère Oswald, tu étais en train de parler, on ne t'entendait pas, tu parlais ici. Ok. Alors, donc j'étais sur le point donc, de développer ce que nous avons vu dès le départ, et c'est maintenant, c'est dans le verset qu'on les retrouve. C'est que vous voyez effectivement que ce ne sont pas les capacités humaines. Et l'autre chose, que vous ne pouvez pas manipuler le Saint-Esprit, parce qu'on dit que c'est la manifestation de l'Esprit. C'est donné. Donc il vient pour se manifester. C'est ce qu'on vient de lire dans ces 1 Corinthiens chapitre 15 là, où l'apôtre dit que c'est la grâce de Dieu qui a travaillé. Parce que ça, comme il travaille au travers des hommes, vous allez regarder, vous allez dire, waouh, l'apôtre Paul a imposé les mains aux malades. Ils étaient guéris. Mais c'était Dieu qui utilisait la main de l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a décidé de mettre sa main. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 49, lorsque le prophète Israël devrait mourir, quand Joseph a amené ses deux enfants là-bas, Manassé et Ephraïm, en baptisant, en les bénissant, il a fait la main comme ça en croisant, en mettant la main droite sur le plus petit, et il a croisé comme ça. Or, lui, il ne voyait pas. Son fils Joseph était au-devant de lui, connaissant ce que, en tant que prophète, il voyait que, voilà un prophète qui en voulait faire, il pensait que c'est l'erreur qu'il tenait de faire. Parce que normalement, les deux enfants étaient assis, ils étaient enceintes, que s'il tend les mains, il met la main droite sur la tête de plus grand qui était sur la gauche de Joseph, et sa main gauche sur la droite de Joseph, à celui qui était le plus petit. Mais il voit effectivement que le Saint-Esprit, il croise, Joseph, quoi, Jacob croise son main ainsi pour baptiser, pour bénir le plus petit, sur la main droite sur la tête du plus petit et la main gauche sur la tête du plus grand. Joseph dit non, mon père pas ainsi, il essaie de décroiser sa main. Pourtant, le père ne voyait pas qui était devant lui. C'est ça qui est figurant, pas vrai mes frères? Donc, on voit effectivement que la capacité, si c'était la pensée humaine par rapport aux bénédictions, on bénira forcément le premier, le plus grand d'abord. Mais quand il a levé la main pour faire comme ça, le Saint-Esprit a amené sa main de l'autre côté, amené la main de l'autre côté. Donc ce n'est pas par la capacité, pas par la volonté de Jacob qu'il a prononcé la bénédiction sur Ephraïm et Manassé. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est ça, si vous comprenez. Donc, ouais, effectivement, que même la main pour aller vers quelqu'un pour le toucher, ça a été guidé par le Saint-Esprit au point de le croiser. N'est-ce pas ce que c'est ici? Donc, là, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7. Donc, il dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit. Je veux que vous voyez le mot manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas la manifestation de l'homme. Parce que si c'est l'Esprit qui se manifeste, ça veut dire que c'est le désir de l'Esprit. C'est lui qui désire se manifester. Il dit être donné pour l'utilité commune. Donc, maintenant, dans le deuxième volet, donc, on comprend donc le pourquoi de la manifestation. C'est donc pour cela qu'il dit quel est le but de ce don-là. Vous me suivez, mes frères? Donc, amen. Il dit, or, à chacun la manifestation. Donc, c'est l'Esprit qui se manifeste pour un but, pour l'utilité commune. Il dit, voilà le but. Donc, un don de guérison n'est pas fait pour celui qui a reçu le don. Il ne peut pas faire, il ne fait pas faire ça ce qu'il veut. Il décide que j'ai guéri maintenant, je décide de guérir maintenant. Parce que ça a été fait pour un don. Le robinet, lui, ne retient pas l'eau pour boire. Non, non, non, il distribue à chacun. Il distribue à ceux dont ils ont besoin. Ceux qui ont soif viennent là-bas et puissent cette eau-là. Continue, mon frère, celui qui lisait. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Stoppons d'abord là-bas. Une fois de plus, au verset 11, il dit, un seul et même esprit fait quoi, frère? Opère toutes ces choses. Donc c'est l'esprit qui opère. Puis on dit, les distribuant en particulier, à chacun en particulier comme il veut. C'est la volonté de qui, frère? L'esprit. Voilà. L'esprit. C'est vrai, on dit que même si vous êtes à côté de quelqu'un et que vous avez un don de guérison, vous avez tellement pitié. Si l'impulsion et la suggestion ne viennent pas par le Saint-Esprit pour pouvoir prier pour la personne, vous priez, vous bavardez seulement. Pourtant, vous avez le don. Vous voyez ça, frère? Je ne sais pas si il me fait comprendre ici. Je vois les vidéos, vos vidéos sont en amen, cause, frère. En cause, amen. Moi ici. Amen. Donc, la Bible déclare, parlant des prophéties, sous le livre de Pierre, il dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. Mais les hommes poussés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Donc, ils n'ont pas décidé de parler. On ne peut pas décider d'aller prier pour les malades, que les malades soient guéris. On ne peut pas décider de prophétiser, décider de parler. Alors, ça n'a pas de sens. Maintenant, je veux que vous regardiez quelque chose encore une fois de plus là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a trois catégories de choses qu'on cite pour trois catégories de manifestations de ce Dieu-là. Regardez encore les versets que nous avons lus plus haut. Regardez. Verset 4, il y a diversité des dons. Vous avez remarqué, au verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Le verset 5 dit, diversité des ministères, diversité des ministères, mais le même Seigneur. On ne dit plus le même esprit, on dit plutôt cette fois-ci le Seigneur. Puis on dit maintenant, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc finalement, on parle de l'Esprit, du Seigneur et de Dieu. Quand il est question des dons, on parle de l'Esprit. Quand il est question du ministère, on parle du Seigneur. Quand il est question d'opérations, on parle de Dieu. J'aimerais que vous me dites le pourquoi le Saint-Esprit l'a mis dans cet ordre. La France dans la sainteté, bonjour et bon dimanche. Ne vous inquiétez pas, il ne part pas. Il ne part pas. On va penser qu'il est parti. Il ne part pas ce dimanche, ce n'est pas comme ça. Là. Ok. Alors, je vous pose donc la question à vous qui m'écoutez. Verset 4, 5 et 6 parle en premier lieu. Il y a diversité. Je ne sais pas, vous avez lu ça, vous avez traversé, j'ai fait exprès. Je voulais donc vous attirer l'attention pour qu'on revienne là-dessus maintenant. En lisant dans le verset 4, il dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. Dont l'esprit correspond au don. Diversité du ministère. Le même Seigneur. Donc le ministère correspond au Seigneur. Diversité d'opérations. Le même Dieu. Puis en bas, donc finalement, au verset 11, il dit qu'un seul et même esprit dispose ces choses en particulier comme il le veut. On parle de l'esprit. Oui, frère Olvas, vous voulez parler. Ah, si le frère Olvas en train d'écrire là-bas, quelqu'un d'un lit ce qu'il est en train d'écrire, parce que je ne sais pas de quoi il y a des questions là-bas. Si vous n'avez pas, vous méditez là-dessus, on continue. Donc maintenant, voici donc les dons spirituels. Vous allez remarquer maintenant. Maintenant, je vous regarde maintenant. Je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas ouvert leur vidéo. Je crois que ce serait bien que je ferme la mienne comme ça. Je ne vous verrai pas, vous ne me verrez pas non plus. C'est ça, non? Maintenant, regardez très attentivement. Si vous regardez dans cette opération-là, bon, le frère Oswald dit qu'il veut dire que tout est esprit. Donc, ça veut dire qu'on peut dire le même. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même esprit. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi le Saint-Esprit, le Seigneur voulait dans les Écritures qu'au verset 4, ça soit l'esprit. Au verset 5, ça soit le Seigneur. Au verset 6, ça soit Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là-bas? C'est ce que vous entendez donc dans les vraies doctrines de la Bible. Maintenant, regardez. Okay. Frère Pierre va parler. Oui, je vais un peu donner ma petite idée dessus. Quoi. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est parce que ça émane des domaines différents. Parce que quand il s'agit des dons, comme on a lu dans le verset 7, les dons spirituels, c'est des choses qui concernent l'esprit. Mm-hmm. Et quant à ce qui concerne les ministères, là maintenant, ce sont des ministères, c'est des appels. Mm-hmm. Et c'est des choses qui émanent d'un appel que d'un charnel. Bon, c'est hormis de l'esprit. Quoi. Il est arrivé là où je l'attendais. Maintenant, je te pose la question. Dans Actes 9, qui avait appelé l'apôtre Paul? Le Seigneur. Dans chapitre 13, qui dit que mettez ma part sur la pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé? Le Saint-Esprit. Tout à l'heure, tu as dit que ça émanait des endroits différents, puisque dans chapitre 9, on voit effectivement que c'est comment le Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est lui qui est le Seigneur, comme on a dit dans 1 Corinthiens 12. Maintenant, au chapitre 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce que tu en dis là maintenant avec la... Qu'est-ce que tu en dis? Là, je ne sais pas. Je n'ai rien à dire là. Tu n'as rien à dire. Ah, la Bible, je ne sais pas si la connaissance est bonne, qu'on voit des choses ici. Maintenant, regardez aussi maintenant pour ce qui concerne le Seigneur. Tout à l'heure, dans la première partie, et même dans cette autre partie-ci, nous avons cité le cas de Joël. Et l'apôtre Pierre recite ces passages-là au verset 14 et à 17. Il dit, voici ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, dit le Seigneur, je verserai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quand l'esprit vient là et qu'il y a la manifestation, il s'agit du don spirituel, oui ou non? Mais la prophétie des Joël dit que c'est Dieu qui l'a dit et que c'est lui qui va opérer. Donc, vous voyez qu'on dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce que vous en dites alors maintenant? Je vois ici, à mon avis, on veut placer Dieu comme étant Dieu comme. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme étant en fait. Le Père là que dont le Seigneur Jésus a toujours appelé, qui remplit en fait tout quoi, qui est au-dessus de tout. D'après ce que le verset 6. Vous voyez que dans cet ordre-ci également donné à Éphésiens chapitre 4 que vous avez lu dans la première partie, il y a une seule fois, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu. Pas vrai? Vous remarquez, vous souvenez de cela, n'est-ce pas? La question c'est. Pourquoi le Saint-Esprit le met ainsi? C'est ça. C'est là-dedans. C'est dans votre passage que se trouve le problème. Enfin, et les réponses se trouvent là-dedans. C'est nulle part. C'est là où ça se trouve. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que la prochaine fois, la méditation serait bien. Parce que pour que désormais, quand vous lisez les passages, ça ne sert pas seulement à souligner, à colorer. Il y a des questions qu'en vous posant, en allant dans la Bible. C'est pour ça que d'autres personnes lisent la Bible et ne profitent pas de la lecture biblique. D'autres prennent la lecture de la Bible comme étant un hobby. D'autres le lisent parce que j'ai fait 3 jours, je n'ai pas lu la Bible. C'est peut-être Dieu va dire non que je suis dans le péché. Il le lit comme ça, comme routine. D'autres vont dire que maman, ça fait longtemps, il n'a même pas ouvert ma Bible. Il sent que je suis déjà coupé même de Dieu. Parce qu'en réalité, on n'a pas de goût. Si vous mangez vraiment le vrai miel, vous ne quitterez pas la présence là. Vous comprenez? Maintenant, je crois que par la grâce de Dieu, il va falloir que nous arrivions au niveau où, quand vous allez comprendre cette méditation là, vous allez voir effectivement que vous serez inséparable avec votre Bible. Quand il dit inséparable avec votre Bible, voici la mienne qui est fermée ici. ça ne veut pas dire que vous allez avoir toujours ouvert. Vous pouvez ouvrir la Bible comme ça là, mettre ça devant vous comme ça, comme le frère Yannick comme ça là, en train de penser au voyage qui est demain. Vous voyez cela? Ou bien ouvrir la Bible comme ça, lire comme ça et penser à quelqu'un qui t'a fait du mal comme ça là. Pourtant la Bible est ouverte devant vous, vous êtes censé méditer, mais vous ne voyez pas ce qu'il en est. Maintenant, la Bible déclare celui qui aura plongé le regard, n'étant pas un auditeur oublieux. Maintenant, ça dit, si vous fermez la Bible comme ça là, et que ce que vous avez lu reste sur votre cœur, et la bouche commence à le réitérer à l'intérieur de votre âme, la méditation prend son engrenage dans votre système à l'intérieur. Donc vous pouvez avoir la Bible devant vous sans lire la Bible. Quelqu'un n'a pas la Bible devant soi et en train de méditer dans la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là-bas que frère répond à la question. Quelle question? Quelqu'un a-t-il posé la question ici? J'ai vu quelqu'un écrit quelque part là-bas que répond à la question. Donc je pose la question, moi-même il répond. C'est pour vous donner sujet à méditation. N'essayez pas de me dire qu'il veut répondre pourquoi c'est esprit, si Dieu est Seigneur. Que non. Mais c'est ça que je suis en train de vous expliquer comme ça. Donc dans la méditation, vous allez voir toutes ces choses-là. Vous allez dans la Bible, vous posez les bonnes questions, vous sortez avec les révélations. Parce que la Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok, donc quelqu'un dit que le verset 11 répond à la question. Il dit, un seul et même esprit répond toutes ces choses-là. Un seul et même esprit opère toutes ces choses-là. Les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Mais pourtant, en haut, on avait dit au verset 6 que toute opération est faite par Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites à l'homme dedans? Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi je suis de vous poser la question? Mais frère Gignan. Oui. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit, à ce niveau, s'il ne veut pas aussi nous montrer la différence entre les dons spirituels et les dons naturels? Où est le don naturel? En parlant de... Où est le don naturel là-bas? Bon, c'est une idée, quoi. Mmh. Bon, maintenant, regardez très attentivement. Qui est le Seigneur? Ouais, je voulais même poser cette question. Heureusement qu'il est posé avant toi. Heureusement qu'il est posé même avant. Donc, répondez-moi donc. Vous savez seulement me poser les questions. C'est Dieu. Donc, Jésus qui est le Seigneur. Donc, vous voyez qu'en réalité, dans ce passage du don spirituel, est enseignée la divinité du Saint-Esprit de Jésus, de Dieu, de la même personne. Et vous voyez, il commence par dire, nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et dans Matthieu, il dit, personne ne peut connaître qui est le Fils, ou bien celui à qui le Fils veut le révéler. N'est-ce pas, mes frères? Amen. C'est vrai, on dit que pour connaître qui est le Fils, qui est le vrai Seigneur, là, ça doit être par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est censé se révéler. Donc, vous voyez que vous avez ici, comme les gens disent là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit révélé dans ces trois passages-là. Pas la Trinité, mais la même personne qui opère sous différentes formes, différentes facettes. C'est ça que je voulais dire, frère. Et je voulais penser aux attributs. Car le Seigneur Jésus-Christ donne l'attribut du Père et l'attribut qui est au-dessus de tous les autres attributs. Donc, et maintenant, mon cher et mes frères, vous comprenez donc que les attributs correspondent aux manifestations. Les manifestations correspondent à certains attributs. N'est-ce pas? Amen, frère. Aspiré ou don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Oui. Est-ce que justement, quand on parle en termes d'opération, on parle de Dieu ici, ça ne relève pas que pour opérer, il faut justement la puissance? Mais c'est ça qui est que vous ne pouvez pas dissocier Dieu du Saint-Esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas. Mais la Bible déclare dans Éphésiens chapitre, dans Actes chapitre 5, verset 32, que Dieu, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, d'après ce passage de Éphésiens chapitre, dans Actes chapitre 5, qui donne le Saint-Esprit, frère? Tiens. C'est Dieu. Jésus a dit à ses disciples que quand il va partir, il va prier le Père, que le Père lui envoie quoi, frère? Le Saint-Esprit. Ouvrez Jean. Jean chapitre 1. Regardez quelque chose. Vous y êtes. Chapitre 1, verset 32 à 33. Je lis Jean 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je pose la question, qui baptise du Saint-Esprit? Mes frères, qui baptise le Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Actes chapitre 5, verset 32 dit que le même que le Saint-Esprit que Dieu a, que qui a donné déjà. Vous voyez qu'on a des problèmes dans la Bible, ici, n'est-ce pas? Nous avons des problèmes. Donc, il est temps qu'on entre franchement dans la méditation pour savoir toutes ces choses-ci par rapport à ce qui en est arrivé. Parce que le Saint-Esprit n'enseignera pas quelque chose contre son écriture. Tout à l'heure, quand le frère Martin, je suis désolé, que j'aurais souhaité qu'il fasse là pour que je lui pose ces petites questions-ci pour qu'on puisse arriver à la compréhension de ces choses-ci. Vous m'entendez? Quoique problème de connexion une fois de plus. Dérange. Vous avez moi, la connexion là franchement dérange, ça dérange. Vous avez moi frère? Là dans le temps maintenant là. Oh, c'est terrible. Alors dans 1 Corinthiens, dans Romains chapitre 11, dans le verset 29 à 32, la Bible nous enseigne que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Maintenant la question c'est, dans Hébreux chapitre 6, de qui est-ce qu'il est question là-bas pour qu'on dise qu'il ne soit pas amené à la repentance? Dans votre Bible, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est gouverné par le Saint-Esprit? Dans votre Bible, qui est gouverné par le Saint-Esprit et qui fait sa volonté à lui? Non, frère. Ok. Donc, oui, effectivement, que c'est le mélange qu'on a maintenant du christianisme moderne qui amène les gens à penser donc, que quelqu'un peut être des dieux et se détourner pour aller faire du mal, n'est-ce pas, frère? Amen. Gardez-vous à l'esprit que quand le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne, c'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas le bout de pain qu'on vend n'importe où en bordure de rue, où on peut prendre le pain n'importe comment. Chacun dit que non, j'ai mon Saint-Esprit, quand je crée le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter tabernacle en toi, il va falloir que le check-up ait été complet. Parce que c'est l'assurance, le gage définitif que vous appartenez à Christ lorsqu'il vient dans la gloire. Avant cela, tout ce que nous faisons maintenant, nous secouons seulement la poussière. Ah, Junior. Oui. Je voulais, quand tu as dit si on a, quand tu as demandé si on a vu quelqu'un qui a été habité par le Saint-Esprit, et les Corinthiens qui ont dans les Corinthiens qui sont repris alors qu'ils ont ils avaient déjà le Saint-Esprit. Bon, voilà, c'est très bien. Bon remarque. Ferme maintenant. Galates chapitre 3, ouvrons la Bible. En lisant ces choses dans les Saintes Écritures, comme la Bible signifie, c'est pour ça que vous voyez effectivement que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un, la personne va à la perdition. Ça ne peut pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que le Seigneur a laissé ces choses dans les Saintes Écritures pour nous montrer clairement de quoi il est question. Vous êtes dans Galates chapitre 3. Donc après cela, je vais vous laisser parce qu'il doit travailler les Allemands tout à l'heure. Ça fait longtemps également, on n'a pas travaillé ensemble. Vous mangez des gros morceaux. Et je crois que ça me permet de passer à autre chose. C'est que les gens qui ne sont pas de la France, là, cherchez-vous rapidement. Chacun rentre dans son groupe. Vous laissez les Français tranquilles. Donc, et ainsi dans d'autres groupes, parce que laissez les Français, chacun, après ça, chacun rentre chez lui doucement. Donc, vous vous déconnectez tranquillement, vous laissez les Français là-bas pour qu'ils continuent. Parce que ces groupes-là sont, il y a des enseignements, je veux dire, les enseignements sont faits pour tout le monde, mais les niveaux de comprendre, les niveaux de comment je vais mettre ceci, la maturité n'est pas identique partout. Aux Corinthiens, on leur demande de quitter le péché, malgré qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'on a de vouloir voir dans les Écritures maintenant. Aux Éphésiens, on les appelle les combats spirituels, parce qu'ils ont dépassé le niveau de péché au-delà-bas, ils sont au niveau de connaissance des domaines de l'esprit et des domaines de la pensée de Dieu. D'accord. Donc le Seigneur a suscité le cas de la France à ce niveau-ci. Si vous êtes de l'écouter de la Belgique, de l'Allemagne, là-bas, rentrez doucement. En Amérique, là-bas, rentrez doucement chez vous. On va arriver avec vous selon que le Seigneur. Vous allez remarquer que les enseignements sont différents selon les différents pays et le niveau est différent. On peut en profiter avec ça sur la chaîne Bamba Iba. Mais je crois que ces choses, ce n'est pas bon. Parce que si quelqu'un est ici, prenons par exemple le cas du frère Martin, il vient subitement comme ça là-bas, il a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas encore arrivé à sa connaissance, ou bien peut-être qu'il a cru d'une certaine façon. Alors, il va falloir qu'on commence avec lui juste d'une certaine façon pour arriver jusqu'au niveau où ça se trouve. Sinon, ça va créer des problèmes là. Et puis, ça va permettre qu'à un moment donné, vous ne comprenez pas, vous allez passer 4 temps là-bas à discuter sur des mots. Alors que si telle personne avait écouté tel enseignement, il aurait dû amener être à tel niveau pour qu'on ne soit pas. J'espère que vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas, frère? En tout cas, bien, du sort, même si vous êtes fâché, c'est la vérité qu'il vous dit. D'accord? Ce sera bien comme ça. C'est pas ça, mes frères. C'est frère, tu nous retires les visas, mon frère. Comment? Tu nous retires nos visas. La sœur Julie nous avait déjà donné le visa. Oui, mais vous savez que lorsqu'on accorde le visa, c'est pas une certitude, c'est plus sûr que tu vas être dans le pays. On peut toujours rejeter ça même à la frontière, pas vrai? En tout cas, ce sera pour le bien de chacun. Parce que regardez, la France, vous êtes à peut-être 33 enseignements maintenant. Pour que quelqu'un vraiment assimile et avance, il faut commencer par laisser ces choses du cœur. Parce qu'il y a un but pour lequel le Saint-Esprit a fait ainsi. Le nettoyage. D'accord? Si les gens qui sont apatrides, là, qui n'ont pas de groupe, rentrez dans votre groupe où vous étiez d'abord pour commencer. Ceux qui n'ont pas de groupe, faites seulement si on veut mettre le groupe de. Il veut mettre peut-être tous les groupes dans la sainteté. Vous serez dans ces groupes là-bas. Si vous êtes dans n'importe quel domaine, si vous n'avez pas été à la France dès le départ, là, après ça, vous cherchez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Frère. Oui. Il faut bien lire le message. Donc, le problème que nous avons aussi, en tout cas, comme moi, j'ai, c'est au niveau. Mais frère Pierre, tu viens de te marier, tu as l'enfant derrière là-bas. Hein? C'est comment? Non, c'est chez moi, désolé. Ah, ok. J'accepte l'enfant, frère. Ok, tu acceptes, mais elle est encore à distance, tu vas vraiment pour accoucher. Oui, vas-y, pose la question. Donc, je disais qu'on a un, en tout cas, moi, j'ai un souci avec, par exemple, quand c'est la manifestation du don pour. J'ai un problème de discernement entre ma pensée, entre ce qui vient de moi. C'est pas tout le temps, hein, c'est à certains moments. Oui. C'est pas tout le temps. Mais il y a des fois, j'ai du mal à discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de l'esprit, en fait. Exact. Si tu es un disciple Seigneur Jésus-Christ, vous allez arriver tôt ou tard à cette ambiguïté-ci. Si vous êtes disciple Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir effectivement un songe que Dieu va vous montrer, un songe. Vous ne voulez pas prêter attention. Quand ça arrive, tu dis, ah, Dieu m'avait montré ceci en songe. Vous voyez, ça dit que voilà pourquoi. Permets-moi quand on explique ceci lors de la méditation, parce que vous allez savoir comment se fait-il que quelqu'un puisse savoir qu'à cet instant, il faut imposer les mains. Qui a dit à l'apôtre Paul, par exemple, dans sur les Actes d'Apôtre chapitre 19, qu'il était question ici de poser la question concernant du baptême. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Regardez, il trouve les 16 disciples là qui étaient là, presque ils étaient quoi une douzaine de disciples là-bas. Il dit que avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'ils savaient que leur comportement n'était pas spirituel. Vous voyez, vous parlez des Bibles aujourd'hui là. Mais les gens disent que nous n'avons pas eu dit qu'il y ait le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fût déjà là. Il pose la question directement, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il ne pose pas la question, qui est votre conducteur? Il ne pose pas la question, qui vous a enseigné? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Il bat directement sur le baptême. Il dit le baptême des gens. Puis il leur dit que Jean a baptisé le baptême des gens, disant qu'il fallait croire ce qu'il devait venir. C'est-à-dire que sur ce, il fut baptisé. Et lorsque Paul leur impose les mains, vous voyez effectivement que ici, le Saint-Esprit est entré en action pour régler le problème le plus rapidement possible. Pas vrai, frère? Oui. Donc, c'est ça qu'il dit que si vous êtes disciple du Seigneur, que vous allez voir effectivement que à plusieurs fois, en tout cas, c'est donc pour cela qu'on doit être dans la méditation. Gardez-vous cette question pour qu'on puisse répondre ça bien dans la méditation. Comment savoir que l'impulsion que j'ai vient du Saint-Esprit? Tant qu'il y a interférence entre la pensée de l'homme, vous aurez des problèmes, cette ambiguïté-ci. Or, quand le Saint-Esprit, lui, entre en action pour résoudre, il résout au travers de toi. Et puis, par la suite, tu constates seulement. Il ne demande pas ton avis. Le déclic entre ta pensée et la pensée du Saint-Esprit, c'est spontané. C'est de façon instantanée. Tu vois effectivement seulement que tu as à manifester. Que ce soit par prophétie, que ce soit par telle ou telle chose. C'est seulement le prophète. Seulement le prophète à qui Dieu a donné la capacité à leur esprit de retenir ces choses-là pour les manifester en son temps. C'est pour ça qu'il dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si vous lisez le livre des deux rois, dans le livre des deux rois, chapitre 8, si vous lisez le livre, si vous prenez le temps du livre des deux rois, chapitre 8, concernant Azaël, on va envoyer par rapport au roi Azaël qui devait venir roi, on a envoyé ce chef d'armée là d'aller demander à Élisée parce qu'il était malade. Il dit, va demander au prophète Élie s'il doit vivre. Il est descendu, le prophète Élisée lui a dit, va lui dire qu'il va vivre, mais l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Pendant que cet homme s'est retourné, si vous lisez le verset 13, Élisée l'a fixé du regard. Et puis il a commencé à pleurer. Il a pleuré, pleuré. Le monsieur est devant lui. Il le regarde. Il dit, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, parce que je vois le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. C'est quand même terrible, frère. C'est terrible, terrible, terrible. Quand je comprends ces choses, je vois pourquoi. Tu peux dire à quelqu'un que voici, frère, voici tes choses qui en train d'arriver. Et la personne ne comprend pas. Malgré que tu lui aies dit cela, il s'en va, il fait exactement la même chose. Le prophète l'a regardé pleurer, pleurer, pleurer sur ce qui va arriver. Parce qu'il a vu dans cette vision du tableau qu'on a filmé pour son futur, comment il va fendre les enfants, tuer les enfants, tuer les femmes enceintes. Mais le monsieur, on lui dit que c'est parce que le Seigneur m'a révélé que tu seras roi à la place de ce roi-là. Et je vois le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Après, il se tourne là, il continue sa vie comme de rien n'était. Jusqu'à ce qu'il vienne accomplir ce qu'on avait dit. Alors on voit effectivement que Élisée, les prophètes ont cela en eux. Vous pouvez prendre cela, c'est plein dans les Saintes Écritures. Vous lisez le prophète Samuel dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, chapitre 10. Lorsqu'il va voir Saül pour roi, et il reçoit que voici, je t'enverrai quelqu'un demain et tu vas le voir pour roi. Quand la personne vient, quand Samuel fixe le regard sur lui, il le connaît, il sait exactement ce qu'il a écrit, de qui il est question. Et puis il reste tranquille, mais la personne ne conseille même pas, ne sait même pas de quoi il est question, ce qu'il a dit à son sujet. Ce qui a été dit à son sujet. Je crois qu'il y a quelqu'un ici comme ça là. Comment on va faire ça maintenant? De toute façon, continuons ici. Alors, vous voyez, effectivement, quand il va finir de donner toute la nourriture qu'il a là, il fait la préparatif par rapport à l'épaule, il garde l'épaule pour la personne à qui il va te dire demain à son cuisinier. Et puis demain, il dit à son serviteur que passe devant, en parlant à Saül, passe devant. Quand son serviteur passe devant, il dit, je te dirai tout ce qui est dans son cœur. Comment un être humain peut dire tout ce qui est dans le cœur de l'autre personne? Vous voyez les problèmes, n'est-ce pas? C'est seulement au prophète que ceci a été donné. Donc mon frère va voir toutes ces choses-là, la capacité. Comment savoir que maintenant il faut imposer les mains? Comment savoir qu'il faut dire telle chose maintenant là? Notre capacité, gardez-vous à l'esprit, ne vient pas de Dieu. Si tu réfléchis sur la capacité, si il faut qu'il est temps que je fasse telle chose, vous aurez des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là que si on réfléchit pour appliquer un don, alors il n'est pas spirituel. Alors ce sera l'intervention de la chair. Il faut seulement laisser Dieu agir. Et souvenez-vous de ceci, si vous m'écoutez. Et si Dieu vous a déjà utilisé, vous allez remarquer que chaque fois quand Dieu vous a utilisé, c'était sans votre demande. Sans votre demande, il l'a utilisé. Je crois, le frère Pierre, tu es un bon témoignage de ces choses. Si tu te souviens ici, quand tu parlais, tu m'as donné ton témoignage, tu as parlé d'un endroit où tu étais, où tu priais pour quelqu'un et que la personne était. Il était question d'annoncer la prière. C'est à toi-même de redire cela. Si ma mémoire est bonne. Et puis, tu as demandé que levez-vous tous. Et la personne était normalement sur une chaise roulante. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui. Essaye de raconter encore cette histoire pour voir effectivement que le Saint-Esprit en entrant en action sur toi sans que tu te rendes compte. Allons-y. Non, en fait, on était dans une réunion de prière. C'était une prière de maison. Et parmi nous, la personne qui nous recevait était atteint d'un AVC où tout un côté du corps était paralysé en fait. Donc, il ne pouvait plus, il était sur soins intensifs. Donc, on le portait pour venir mettre au milieu de nous pendant qu'on priait. Et c'était comme ça, tout le temps. Et du coup, un jour, on était en réunion de prière. Comme ça, il y a un frère qui m'a demandé de conduire la prière. Il y a un frère qui m'a demandé de conduire la prière. J'ai demandé aux frères et sœurs de se lever pour qu'on prie. Donc, on s'est tous levés et ce monsieur est resté, il était le seul à être assis. Donc, c'est quelqu'un d'origine indienne. Donc, il était le seul à être assis et je lui ai demandé sans préparer, sans m'en rendre compte, que Antoine, lève-toi. Les gens m'ont regardé comme ça. J'ai dit, Antoine, lève-toi, on va prier. Il s'est appuyé sur sa chaise, sur la chaise qu'il avait. Il a sorti, il a pris au moins 5 minutes. Il a sorti toutes ses forces et j'étais là, j'attendais et je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Et il s'est mis debout. Et sa femme a essayé de tenir un peu sa main. Il est resté debout. On a prié. Après, il s'est réassis. Et quand il est assis, il a commencé à pleurer. Parce que ce geste-là, ça faisait des mois, il ne pouvait pas le faire. Merci. À partir de quand les médecins ont commencé à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que son cas est en train de s'améliorer de manière spéciale, quoi. Oui. Alors. Donc, tu vas... Et moi, je ne me suis même pas rendu compte. Ce qui est étonnant, c'est que je ne me suis pas rendu compte que c'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Ah ah, voilà. Tu vois que toi-même, tu as posé la question et que c'est toi-même qui as eu la réponse. Maintenant, voici donc ce qui se passe normalement en regardant l'état de cet homme-là physiquement. Tu ne pouvais pas, en tant qu'être humain, lui dire que lève-toi pour qu'on puisse prier. Tu devais dire que non, assieds-toi là-bas, tu fais prier parce que Dieu répond à la prière, même si on n'est pas obligé d'être debout. Mais tu vois effectivement que depuis le début, quand vous êtes rassemblés dans cette maison-là, la personne qui t'a dit, frère Pierre, est-ce que tu peux te donner un mot de prière? C'est le Saint-Esprit qui a été dit que l'onction t'a été donnée pour déclarer la guérison de cet homme-ci, sans que tu ne saches. Mais il n'utilise pas le langage, l'onction est sur toi. Non, il dit plutôt, est-ce qu'on peut prier? Et toi également, tu dis, levons-nous, on prie. Tu pouvais dire plutôt aux gens de s'asseoir. Il y a quelqu'un qui a dit de son micro ouvert que asseyons-nous, baissons la tête, prions. Mais tu as dit levons-nous. Et tout le monde se lève sauf celui-là. Et puis tu lui dis lève-toi. Et tu es là, tout le monde en train de regarder. Tout le monde te regarde pour montrer que ce n'est pas normal. Parce que la question des regards sur toi, ça veut dire que mais, tu ne sais pas qu'il ne se lève pas. Et toi également, tu es là, tu attends, attendant qu'il se lève. Sans savoir, à cet instant-là, ton être est imbibé par le Saint-Esprit, empêché de voir la réalité qui est devant de toi. Parce que si le Saint-Esprit te quitte cette présence, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait même? Normalement, Antoine ne marche pas. C'est pour cela que malgré que les gens te regardaient, tu étais là, tu attendais qu'il s'élève, parce que c'est le Saint-Esprit. Donc ainsi, le don spirituel se manifestant en nous, n'a pas besoin de notre intellect, n'a pas besoin de notre... Dieu passe au travers de nous pour faire son œuvre. Il met en pause notre être pour pouvoir agir. Je crois qu'il y a le bruit maintenant. Alors, donc, je crois que la prochaine fois, nous allons travailler dans ces cas-là en voyant particulièrement dans la méditation. D'accord, mes chers frères et sœurs. Frère Junior, s'il te plaît, juste, oui. Je voudrais savoir si dès que tu es scellé du Saint-Esprit, tu commences à manifester les dons tout de suite ou il y a... La Bible nous a déjà répondu à cette question. Un seul et même esprit disponible à chacun comme il le veut. Comme il le veut. C'est donc pour cela que tout à l'heure, quelqu'un a posé la question. Je voulais qu'on lise Galates chapitre 3 avant que cette brûlure ne commence. Galates chapitre 3 par rapport à... Parce que j'ai dit que lorsque vous êtes scellé du Saint-Esprit, Dieu, vous ne pouvez pas vous détourner de cela. Il a pris Galates où les gens vivaient le péché alors que c'est autre chose. Donc on va voir ça dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Il règne de toute éternité. Amen. Sois béni, frère. Éternel est son nom. Il m'avait trouvé les Allemands maintenant. Devant ton trône. Gardez toutes les questions pour mercredi. Nous voulons t'adorer. Quel cœur. Alléluia. Nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons, Seigneur. Allô? C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Écoutez là.